Le terminal pétrolier représente à lui seul 40% des importations françaises. Le ton monte entre les opposants à la loi travail et le gouvernement. Apparemment, ça chauffe là ce matin du côté de la Fos-sur-Mer où une intervention de police est en cours. Une résistance importante, hein, on nous dit actuellement, qui a lieu sur place là-bas. Manuel Valls appelle à ne pas céder à la panique. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, demande de laisser avancer la France qui travaille. La France qui travaille, qui risque aussi de ne plus pouvoir prendre le métro à partir du 2 juin. La CGT appelle les agents parisiens à une grève illimitée. Objectif, demander l'ouverture de négociations salariales et dire non aussi à la loi travail. Des perturbations sont à prévoir dès ce soir au niveau des Transiliens et des RER B, C et D. Début de la grève à 19h qui concernera particulièrement les usagers franciliens demain et jeudi. Des fumigènes introduits malgré les fouilles. C'est ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France lors du match OM-PSG. Pas très rassurant tout ça. À quelques jours du début de l'Euro, une réunion a eu lieu hier autour du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour corriger le tir. Le président du comité d'organisation de l'Euro assure que les mesures de sécurité seront renforcées. La Poste qui continue de diversifier ses activités. Les salariés vont bientôt pouvoir faire passer le code de la route. La mesure entre en vigueur le 13 juin. L'entreprise va ouvrir 9 sites à Paris, Angers, Orléans, Valenciennes, Créteil, Nantes, Strasbourg et Lyon. Ils pourront tous accueillir 18 candidats sous la surveillance de postiers volontaires. L'inscription coûtera 30 euros et à la fin de l'année, 300 centres d'examen seront opérationnels. Le gouvernement espère réduire le délai d'attente qui est actuellement en moyenne de 98 jours. Du sport et du foot, il pensait sa saison terminée, peut-être même partir en vacances finalement. Eh bien, c'est en bleu qu'il sera, tout du moins pour quelques semaines, pour les prochaines semaines. Adil Rami a été rappelé par Didier Deschamps chez les réservistes. Le joueur du FC Séville pourrait remplacer Raphaël Varane qui s'est blessé à la cuisse. Le sélectionneur ne prend pas de risque et attend de voir l'évolution de sa blessure. On parle désormais d'une absence de 2 matchs contre la Roumanie mais aussi contre l'Albanie. Et puis une indiscrétion de l'équipe ce matin, le quotidien sportif croit savoir que Zlatan est plus près que jamais de s'engager avec Manchester United. C'est l'arrivée chez les Reds de José Mourinho qui pourrait tout accélérer. L'agent de l'attaquant souhaite que l'avenir de son joueur soit décidé avant le début de l'Euro le 10 juin. Ce serait la première fois qu'il évoluerait en Première Ligue. Et ben voilà, un truc de plus qui me permettra de le revoir peut-être chez nous. En Ligue des Champions peut-être. Zlatan, une petite larme, Karim, peut-être, non? Bah de toute façon, je savais qu'il était parti. Les Anglais vous le piquent comme il ça. Il va pas revenir. Non, il va pas revenir. Revenir, non. Il va pas revenir, ça je te dis. Tu t'en remets pas, hein. J'ai cru que c'est passé, mais non. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure et tout au long de la matinée. Il est 6h01, c'est parti pour le morning, c'est en direct et c'est sur Skyrock en ce mardi, on y va. Aujourd'hui, c'est mardi, et c'est le morning de Difool. The morning show! En direct sur Skyrock. Et bon réveil à vous, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Et puis la nuit qui se termine maintenant, elle va laisser la place à une nouvelle journée magnifique. Eh ben voilà. Bah magnifique comme vous dans l'équipe, comme toi, Romano, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, bonjour Cariole. Bonjour. Magnifique. Bah comme oui, Cédric. Ouais, également. Bonjour tout le monde. Avec une écharpe, Cédric. Ouais, demain, il arrive en bonnet et avec une dudune. Là, j'ai mal à la gorge. Oui, non, mais je vois. Bonjour Karim aussi. Bonjour. Faut allumer le micro. Ouais, bonjour. Ça marche mieux si vous voulez. Comme vous voulez, si vous n'avez pas envie d'ouvrir le micro, c'est pas grave. Nous, on est là jusqu'à 9h avec, pour vous, les places pour Europa Park. On vous offre vos week-ends Europa Park par 4. C'est le week-end de folie qu'on va vous offrir avec l'hôtel, avec la bouffe, le petit-déj et avec le grand parc, Europa Park, un des plus grands parcs du monde, un des meilleurs parcs du monde et avec les 13 grands 8. Ouais. Ça fait délirer les 13 grands 8. Tu te prends le petit-déjeuner, après tu files dans les grands 8, super, vous allez voir. Après tu vomis, tu te reprends un petit-déjeuner, tu refiles dans un autre grand 8 et hop là, super. Et puis on parlait d'un truc dans les infos, vous avez entendu, la sécurité au Stade de France est mal assurée. Moi, j'irai pas. Mais pourquoi Romano t'irais pas au Stade de France? Mais parce que c'est une organisation de merde. Là, a priori, en tout cas, sur. C'est en test. C'était mal foutu, là. Non, mais c'est en test. Les mecs, font des tests grandeur nature. C'est-à-dire que là, il y avait un taré qui arrivait. Bah, attendez, excusez-nous, il y a eu des. C'est un test, hein. Il y a eu des problèmes. C'est qu'un test. C'est pour du faux. Non mais là il y a réunion de crise. Ouais, il a dit Rémi dans les infos. Ils vont remettre les choses d'aplomb. Et on va retrouver justement quelqu'un qui a rentré des fumigènes dans le stade ce week-end, ce qui est très intelligent d'ailleurs, hein. Le voici, le voilà. Tu es là, allô. Allô. Oui, tu m'entends? Mais tu sais qui je suis, papa? Oui, je t'ai reconnu, je sais, tu es Michael Youn. Je suis Fatal Bazooka, moi. Non, ça c'était quand tu faisais du rap il y a 15 ans, 10 ans, c'est quand Fatal Bazooka? C'est Fatal Bazooka alias Mickey. Michael Youn. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Michael Youn qui a planté, qui a amené un fumigène. Un fumigène, ouais. Et qui l'a amené en plein milieu de stade. Ouais. Alors, il se le serait fait passer par les grilles à l'entrée. Oui. Au moment justement où c'était le bordel, il l'a récupéré, il l'a allumé après. Bon, de toute façon, ça n'enlève pas que c'est lui qui a emmerdé dans le truc. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il va plus aller voir de match. Hein, bah, interdit de stade possible. Bon, ça se peut, ouais. On retrouve Michael Youn et on s'est dit ce matin, bah tiens, pourquoi pas faire un réveil de stade avec Michael Youn. J'espère que ça va bien se passer. On va appeler donc des familles, enfin, on a appelé des familles de France. Et dans un instant, comment elle se réveille avec Michael Youn? La réponse arrive. Il est 6h04, puis du son pour se réveiller. Allez, c'est parti avec Justin Timberlake tout de suite. Je précise parce qu'il y a plusieurs Justin. Ouais. Justin Bieber, Justin Bridou, Justin Timberlake tout de suite. C'est Can't Stop the Feeling pour démarrer cette matinée. Tiens, je vois un petit Bob Marley juste après, ça va être sympa ce matin. Allez, c'est parti, Justin Timberlake. Et dans un instant, le réveil de Star sur Skyrock à 6h04. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Stop the feeling. C'était Justin Timberlake pour se réveiller ce matin. à 6h08 sur Skyrock. Cédric, je crois que tu m'as rendu malade ou je fais une allergie à ton parfum. Je crois que t'es enrhumé. Non, c'est peut-être une allergie au parfum de Cédric. Voilà, moi je m'en fous, j'ai mis mon écharpe. C'est Aïe de Chanel. C'est ça, ouais. Aïe de Chanoul. Aïe 5. Ah ouais, pas mal. Ouais, c'est ça. Bon, on va parler foot avec l'arrivée de l'Euro bientôt et avec Michael Youn qui a fait des siennes ce week-end et l'a récupéré. Soi-disant, il a récupéré donc un fumigène. Ouais, on lui aurait passé en fait par les grilles du stade. Ouais, après, pendant le match, il a allumé le fumigène. Bon, évidemment, t'allumes un fumigène lors d'un match de foot au Stade de France. Tu te fais expulser. Oui. Il a été expulsé. Est-ce qu'il a passé la nuit en GAV comme toi, Cédric? Je sais pas du tout. Je crois que Cédric, il a pas croisé dans ta cellule. Cédric a passé la nuit du week-end dernier. Il ne vous l'avait pas dit ça hier matin. On a pris ça hier soir. On l'a travaillé un peu. En garde à vue parce qu'il drague les meufs et il se fait passer pour un keuf. Non, c'est pas moi, c'est mon pote. Pour draguer des meufs, se faire passer pour un keuf. Ouais. Bonne technique. Bah non. Ah bah ouais. Pour aller en garde à vue, oui. Si t'as envie de te faire défoncer par tes co-détenus. Voilà. À la limite, mais autrement, non, pas facile. Donc, Michael Youn, lui, s'est retrouvé directement au stade. Et avec son fumigène, il a fini la soirée sans regarder le match. Non. Ce matin, on s'est dit, eh bien, c'est une bonne occasion pour retrouver Michael Youn lui-même dans la peau de Fatal Bazooka. Mais oui, rappelez-vous, Fatal Bazooka. Moi, je suis le numéro 1, ok? Ouais, c'est ça. Super, Michael Youn. Le voici, le voilà, avec Renaud et la famille. C'est le réveil de star, car il est pile 6h10 sur Skyrock. Le réveil de star. Une star, un appel. On écoute. Et oui, quand je vous dis que les plus grandes stars se réveillent avec Skyrock, ce matin, Fatal Bazooka. Qui est lui-même en personne. Ah ouais. Et Michael Youn chez Renault. Allô? Oui? Mais tu sais qui je suis, papa? Qui c'est? Je suis Fatal Bazooka, moi. C'est pas une erreur, là, non? T'es vraiment un obsédé! De quoi? Tu te rends compte du nombre de problèmes que j'ai à cause de toi? À cause de quoi? Le nombre de fois où je suis obligé de tromper ma meuf. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel, là? C'est quoi? Je sais pas qui c'est. Moi, je suis le numéro 1, ok? Non mais oh, tu parles sur un autre ton, hein, moi j'ai pas compris qui tu es là. Ça va pas, bonhomme? Oh, tu me parles d'un autre ton, qui tu es? T'as bu un verre de trop? Tu me dis que j'ai bu? Tu vas aller te passer de l'eau sur le visage peut-être? Oh, c'est quoi ces conneries là? Va te détendre? Ouais, si t'as quelque chose à dire, tu viens me trouver, hein. Ça te plairait de partir en coloscopie avec tous tes copains? Non mais il est malade ce mec là. Je suis l'uniqué sa race, salaud de tartine. Allô? Oui? Oh, la gazelle! J'ai le fusil chargé, ça te dirait une petite cartouche? Non, mais faut être faire soigner, mon gars, espèce d'abruti. T'es complètement désolé, non? Mais c'est quoi que ce travail-là? Tu veux qu'on appelle les flics? T'es vraiment un obsédé! Un obsédé, déjà, je suis une fille, une femme, imbécile, va te faire soigner, abruti. Il y en a qui sont à l'hôpital psychiatrique, ils sont moins abruti que toi. Non, mais tu en vas où, là? Tombé, c'est Renaud derrière. C'est Renaud et sa femme ce matin. Et alors attendez, j'ai noté, tu es désélé. C'est une expression que je ne connais pas. Si c'est de votre région, faites une petite traduction. Tu es désélé. Là, c'est la femme qui a dit ça, Michael Youn. Michael Youn, Fatal Bazooka. Mais ça mérite quand même un deuxième coup de fil. Chez Renaud, parce qu'on s'est dit, on va pas le laisser là. Comme ça, non. Non, on va pas le laisser là. La femme de Renaud est tellement sympathique. La plaisanterie, elle s'est durée. Alors ça, jamais. Plutôt crevé, enculé, va. Non mais attends, c'est quoi tes trucs là, de fantasmes oh. Et si t'as quelque chose à me dire, tu viens me trouver, hein, je suis chez moi. Hein. Et quelques semaines, j'aurais peut-être réagi de façon violente à tes propos malfaisants. Mais là, ce soir, je suis avec mes amis. Si t'as quelque chose à me dire ou que j'ai quelque chose dit ou écrit ou téléphoné, tu me dis, tu viens me le dire en face, mais pas au téléphone. Tu es serein? Ouais, mais t'es peut-être serein, mais pour moi, t'es une pétasse. Ça, t'as qu'à venir me le dire, mais tu vas voir, tu vas comprendre. Tu crois que tu me fais peur? Tu commences à me casser les couilles, je ne sais pas qui tu es d'abord. Fatal, mon nom d'artiste de Fatal Bazooka. J'en ai rien à foutre, et que t'es artiste, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais là tu commences à me casser les couilles. Vraiment saoulant, hein. Tu te rends compte du nombre de problèmes que j'ai à cause de toi? Mais t'es malade, toi, il faut te faire soigner, hein. Le nombre de fois où je suis obligé de tromper ma meuf, de te rentrer bourré, de me battre avec des cums, de ramener des boudins à la maison quand c'est pas ramener des MST, tu te rends compte de ça? Des quoi? Des MST. Mais t'es pas net, toi, t'as pas autre chose, là, tu veux que je te transfère. Moi, je ne sais pas si c'est une plaisanterie ou quoi, t'es un casse-couille, si t'as quelque chose à me dire, tu viens, puisque t'as mon numéro de téléphone, tu trouveras l'adresse. Allez, salut. T'es mignon, tu prends tes pings et tes pongs et tu bouges. Ouais, tu bouges, quoi, tu veux que si je bouge, tu n'as qu'à venir là, tu vas voir si je bouge. On va quand même pas taper des mecs qui mettent les jeans de leur meuf. Espèce de connard. Espèce de connard. Je crois qu'on est dans le Nord, voilà. Après les messages que vous nous laissez là depuis tout à l'heure. Ouais. Michael Youn, mais oui, c'était lui, alias Fatal Bazooka. Il n'était pas déguisé en Fatal Bazooka en plus dans le Stade de France. Non, je ne crois pas. Ça, ça aurait été magnifique. Hein. Avec un manteau de fourrure, des bling bling, des lunettes de soleil, Fatal Bazooka. Et Michael Youn, donc, avec des extraits du film. C'est bien parce que la famille était contente, la famille de Renaud. On les remercie. Ah ouais, bonne participation. Renaud, sa femme et Renaud, encore une fois, ben voilà. C'est une espèce de jeu, une espèce de ping-pong, je dirais même plus. Une espèce de match de Roland-Garros. Ouais. Entre les deux, là, ce matin. Bon, 6h13, le réveil de Star, c'est tous les matins à 6h10. Un autre tout à l'heure à 7h50 et à 8h50, évidemment, dans le morning sur Skyrock. Et il est 6h14, ça veut dire qu'on approche du jeu de 6h20. Je vous annonce de l'argent. Oh, ah, du pognon. Oui, de l'argent à gagner, préparez-vous. Et un petit Bob Marley que je vous avais promis, ben c'est pour se réveiller. Voici Could You Be Love sur Skyrock avant de jouer ensemble et avant de gagner des sous. Le morning de Difool, 6h, 9h. Bon, on est chaud. Avec Difool et Romano sur Skyrock. Et Romano, tout à l'heure, tu vas faire des sous aussi hein, dans les conseils pas chers. Ah, bah j'espère, ouais. Ça, c'est dans moins d'une heure, hein. Conseils pas chers, ils arrivent. Restez bien sur Sky. Could You Be Love et Bob sur Skyrock. Et la France de Skyrock se réveille avec Bob Marley. La Corse se réveille avec Bob Marley. Bonjour à Omerta 2B qui nous dit Viva Sor Corsica et Viva Bob Marley. Le 13 se réveille avec Bob Marley. Bonjour à Chrisou qui nous dit allez, je fume un joint pour fêter ça. Ah bah vas-y. Au réveil, c'est peut-être pas conseillé. Chrisou, mais merci pour ton message, c'est gentil. Bonjour à Vanessa du 62 qui se réveille elle aussi dans le Pas-de-Calais avec le son de Bob Marley. Vous vous réveillez avec Bob, nous aussi, ça fait plaisir un petit Bob. Hein. Ouais. Could you be love et à 6h18, on va continuer de vous faire plaisir. Et de l'argent à gagner au jeu de Cédric maintenant. Je vous l'ai promis, des sous à gagner, on va jouer avec toi Cédric. Cool. Attention. Attention, jeu de culture, vous le savez, de culture d'info. On apprend plein de choses et on va parler. Bah tiens, si vous étiez à l'écoute hier soir de la Radio Libre, vous en avez entendu parler. C'est même toi Romano qui a donné l'info en exclu. Le supermarché Leclerc. Ah oui, oui. Qui a profité de la pénurie d'essence pour obliger ses clients de dépenser une certaine somme avant de faire le plein d'essence. Ouais, en gros, il fallait passer au supermarché pour avoir le droit de prendre de l'essence. Oui, et il fallait dépenser une certaine somme. Ah, il fallait présenter son ticket. Hein. Genre, par exemple, si tu dépensais 30 euros, ça suffisait pas, ils te donnaient pas d'essence. Non, pas d'essence. Ouais. La question qu'on vous pose ce matin, c'est combien il fallait dépenser dans ce supermarché au minimum pour pouvoir avoir le droit d'aller à la pompe à essence et faire le plein de ta voiture. Bon, oui, le mec s'est fait engueuler par les centres Leclerc, par le chef des centres Leclerc. Oui, Michel-Édouard Leclerc. Oui, tu nous as dit, Romano, qu'il s'était fait gronder. Hein. Ah, oui, parce qu'en fait, là, c'était un franchisé et le mec, il a eu un coup de fil a priori de la haute direction lui disant qu'il faut arrêter tout de suite. Oui, c'est un peu scandale. Ouais, tu te calmes tout de suite. Alors, combien il fallait dépenser au minimum pour pouvoir faire le plein? On va vous donner l'info dans un instant, mais vous nous la donnez si vous l'avez. Ou alors vous tentez le coup. Allez, c'est moins de 100 euros et c'est plus de 30. Je vous donne une petite fourchette. Ouais. Vous laissez vos réponses au 41-759. Ça y est, c'est parti. Vous nous laissez vos réponses à mon top. Vous pouvez y aller. Et puis vous gagnez vos 50 euros déjà pour la bonne réponse. Et vous multipliez ces 50 euros en marquant le maximum de points contre Cédric. Ça va être magnifique. C'est ton grand jeu, Cédric. Merci. Ah ouais. Et oui, allez-y. 41-759. Appelez Skyrock pour vos messages. Vous laissez bien vos numéros. Et on y revient tout de suite après. Le son de Florent. Florida, my house. Il est 6h20 pile sur Sky. Ma cliente, elle a tout de suite pensé à Carglass pour remplacer son pare-brise. Et ça tombe bien, parce qu'en plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre un kit Manip Bluetooth Boulanger. Pas mal comme cadeau pour recevoir tranquillement ses appels en voiture, non? Alors, profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 4 juin, cadeau à retirer auprès de Boulanger. Conditions sur carglass.fr. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Mini Service. Jusqu'au 15 juillet 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Votre attention, s'il vous plaît. SNCF vous informe que votre carte jeune est désormais valable pour vos voyages en Europe. Ouais, pile au moment du sonar, le festival d'électro à Barcelone. J'entends déjà l'ambiance des sets interminables. Vous me faites écouter? Avec votre carte jeune SNCF, profitez de moins 25% garantie sur tous vos voyages en Espagne, mais aussi en Italie, en Allemagne et en Suisse. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur sncf.com. Le morning de Difool. The morning show. 6h, 9h sur Skyrock. Open up the champagne. Pop. It's my house. Come on. Turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby. Cheers to this. Sometimes you gotta stay in. And you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go wild. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go wild. Welcome to my house. arms and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Et on est là sur Skyrock ce matin. Moi, je mélange tous les mots tellement je suis excité de vous retrouver pour le grand jeu de Cédric. Un des grands moments du morning, ah vous oui. savez, à tous les et matins. Oui. Ou presque tous les matins. Ah Cédric ouais. nous montre toute l'étendue de sa culture. Et là, vous allez pouvoir y assister en direct à 6h24. Allez. Et bien, comme ça, on ne regrette pas de s'être levé tôt ce matin. Oh non. Bon, il y en a un qui ne va pas regretter de s'être levé tôt. C'est Jérémy, 29 ans, direct de Crépy-en-Valois, dans le 60. Salut Jérémy. Salut l'équipe. Salut Jérémy. Salut. Bien Jérémy. Ça va. Ça va. Bon, il va falloir te préparer. Tu vas jouer contre Cédric. Tu auras 30 secondes pour répondre à tes questions. Et il faut répondre à un maximum de questions pour gagner un maximum d'argent. En attendant, tu as déjà 50 euros dans la poche. Tu as répondu à la question qu'on a posée il y a un instant. On parlait des gens qui profitaient des pénuries, de la pénurie d'essence. Et notamment d'un supermarché, le supermarché Leclerc de Bretagne, qui a profité de la pénurie pour obliger ses clients à dépasser une certaine somme pour pouvoir faire le plein d'essence. Oui. Ouais. Quelle somme il fallait avoir dépensé dans le magasin pour avoir le droit de redépenser de l'argent à la pompe à essence? 60 euros. 60 euros. Eh ben bien joué. C'est la bonne réponse. C'est une info qui vous était donnée en exclu hier soir par Romano, notre envoyé spécial. C'est dans toutes les pompes de France, comme hier matin dans le morning. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, bon, bah, c'est terminé à l'opération du Leclerc. Là. Oui, parce qu'il s'est engueulé par le chef de Monsieur Leclerc. Dans la journée. Ouais, je crois. Monsieur Leclerc l'a appelé, il était pas content. Hein. Et il a dit stop. Et hier soir, on a un auditeur qui a vu une station-service à 3 euros le litre de gazole. Ouais. Oh là. Sérieux. Autrement dit, c'est pratiquement 3 fois plus cher que c'était la semaine dernière. Ouais, c'est ça, ouais. Le mec en profite, lui aussi, il va se faire choper là. Si vous voyez des trucs un petit peu bizarres, vous n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. T'as de l'essence, Jérémy, d'abord t'as une voiture. Parce que si t'as pas de voiture, tu t'en fous d'avoir de l'essence, toi. Hein. Si, si, j'ai encore le plein, là, ça va. Très bien. Bon, ah bah parfait. Oui, oui, parce que la pénurie arrive. Ah bah là, ah, oui, dedans, là. Dans certains coins, là, même déjà. Si Manuel Valls dit, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie. Qu'il aille faire le plein dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Oui, mais là, en région parisienne, en Bretagne, en Normandie. En même temps, il avait du mal à juger l'État parce qu'il était en Israël. Donc, Israël et Palestine, il a fait. On en reparlera dans les infos, là, tout à l'heure. Mais bon, avant ça, bah, on va y aller, mon bon Jérémy. Puisque ah bah oui. Tu es prêt, il y a de l'argent à gagner. Voici le jingle de Cédric et juste après, le grand jeu. Allez. Cédric, on sait peu de choses sur cet animal semi-légendaire. Selon une croyance répandue, il se nourrit en suçant. Le morning de Difool sur Skyrock. Ça va pas. Non. Non mais attends, il est super ce jingle. Ah, un ouais. animal légendaire. C'est ça. La classe. Waouh. Et pourquoi nous on n'a pas ça pour. C'est vrai d'ailleurs. Bah, oui. Ouais, t'inquiète, on va t'en faire si tu veux. L'animal légendaire va te remontrer comment il joue. En 30 secondes, un maximum de questions, un maximum de réponses, Cédric. Et après, ce sera ton tour, Jérémy. T'es prêt? Ok, c'est parti. Alors attention, Cédric, c'est à toi. 3, 2, 1, top chrono. Allez, question taille. Quel est le monument le plus grand entre la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté? La Tour Eiffel. Bonne réponse. Un point. TPMP, quelle est la chroniqueuse de Touche pas mon poste qui a annoncé qu'elle ne serait plus dans l'émission l'année prochaine? Azoulay. Non, Erika Moulet. Ah, Moulet. Tu as confondu avec le ministre de la Culture. Star de foot, combien de saisons Steve Mandanda a passé à l'OM? 5. Non, c'était 9. Matière du bahut, dans quelle matière parle-t-on de conjonction de coordination? Français. Bonne réponse. Deux points. Quelle intelligence, mec. Je n'en reviens pas tellement il est intelligent. C'est impressionnant. Et oui, quelle culture surtout. Et oui. Deux points, bravo. Et c'est Erika Moulet qui s'en va de Touche pas mon poste. C'est terminé. Et Mandanda, il a passé quand même 9 saisons à l'OM. Et oui. Pas mal, pas mal. Beau palmarès. Bon, il faut que tu battes 2, Jérémy. Tu te sens incapable ce matin? Ouais, on va essayer. Ah, attention, t'as pas le choix. Et à Marseille, c'est la pénurie aussi. Je viens de recevoir 10 messages là, de Marseillais. Oui, j'ai pas cité toutes les régions, mais c'est Rémi qui s'en occupe dans 3 minutes là. Bon, on va commencer avec une question taille. Est-ce que tu es prêt? Attention, 3, 2, 1, top chrono. Attendez, tu as juste avant la question de taille, j'ai pas dit, la tour Eiffel mesure 300 mètres, 330 mètres avec les antennes, et la statue de la liberté, 93 mètres. Oh putain, ah ouais, c'est une naine. Bah justement, question taille, on y va, c'est parti, Gérard. Alors attention, 3, 2, 1, top question. Qui est le plus grand entre Romano et Mimi Mati? Romano. Bonne réponse, pas de coup, mais pas. Quel est le chroniqueur de TPMP qui est connu pour cette phrase? J'ai mal à ma France. Gilles Verdez. Bonne réponse, question foot. Combien de saisons Zlatan Ibrahimovic a-t-il passé au PSG? 4 ans. Oui. Matière de Bahut, dans quelle matière parle-t-on de cosinus? Math. Oui, matière de Bahut, dans quelle matière parle-t-on d'anus? SVT. SVT. Oui, non, SVT. Le sexe. Non, mais dis donc, tu mets ton sexe partout, toi, Jérémy. Combien de bonnes réponses? Eh bien, ça fait 4 points. Donc, 200 euros plus la question de sélection, 250 euros. Bravo. Et les biens, je sais, Jérémy, qui vient de te faire 250 euros. Comme bravo, ça, Jérémy. Eh ben ouais, 250 euros, question de sélection, 4 bonnes réponses, bravo, t'as battu Cédric, tu gagnes. Bravo, bravo. On va t'envoyer le chèque à la maison. Tu vas te faire plaisir avec les 250 euros, j'imagine, c'est bien. Ouais, je vais mettre 200. Déjà. Ah bah parfait. Pas mal, je te conseille la station à 3 euros dont je parlais il y a un instant là. Tu te fais un plein, les 250 euros ils y passent. Allez hop. Bravo Jérémy, bonne journée à toi, bon courage. Merci, vous aussi l'équipe. Salut Jérémy, on rejoue dans moins d'une heure. Je sais pas à quoi d'ailleurs, mais dans moins d'une heure. Avec vous à 7h20, 6h20, 7h20, 8h20, on joue ensemble. Et puis n'oubliez pas le jeu des 1500 euros. Ce sera ça un petit peu avant, puisqu'on vous appelle à 7h du matin après les infos. Les infos qui arrivent pour celle de 6h30. Dans 2 minutes, là, le temps d'écouter le son de Calvin Harris et de Rihanna. C'est bien ça, c'est une game fort. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Calvin Harris et Rihanna sur Skyrock, c'était This Is What You Came For. Il est 6h32, c'est l'heure des infos à faire le point sur l'essence. Et puis sur tout le reste aussi, parce que vous allez tout savoir. Eh ben oui. Rémi s'occupe de tout. Et aujourd'hui, on fête la journée mondiale d'une de tes passions, Romano. Ah, il y a des trucs qui te fait kiffer. Tiens, on va vous poser une petite question. On a des places pour Europa Park à vous filer. Vous savez que ça peut me prendre n'importe quand, n'importe quel moment de l'émission, on vous offre des places pour aller à Europa Park. Ouais. Par 4. Vous y allez avec 4 personnes, qui vous voulez. Vous avez l'hôtel, vous avez le parc qui déchire avec les 8, les... Non, 13 grands 8, entre autres. Hein. Et tous les autres trucs, il y a la station Mir, tu peux monter dedans, enfin c'est de la folie. Si vous voulez Europa Park, vous nous dites c'est la journée mondiale de quoi aujourd'hui ? Une des passions de Romano, je vous donne un petit indice. Vous envoyez vos réponses au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Si vous trouvez, et si vous êtes le premier à trouver, bah Europa Park, c'est pour vous. Alors je vous donne un autre indice, c'est vraiment pas une journée pour moi aujourd'hui, cette histoire de journée mondiale du Ah non, c'est clair. Non. Ah tu sais Romano. Bah oui je sais parce que étant donné que c'est ma passion, aujourd'hui je vais fêter ça dignement quoi. Ça, la journée mondiale du sexe on nous dit sur SMS. Non. Non, c'est pas la journée mondiale du sexe, même si c'est une des passions de Romano. Journée mondiale de l'arnaque pour Parizo. Non. Ouais ça aurait pu ouais. Journée mondiale de boulangerie parce que Romano aime bien. Non, c'est pas ça non plus. De la radinerie. De la radinerie on nous dit, non. Non, le beau gosse, il y a journée mondiale des crêpes, non. Là, journée mondiale des chauves pour Bobicha. Bonjour Bobicha. Non, c'est pas ça non plus. Du racket, de la radinerie, de la branlette, non plus. Allez, vos réponses très vite, si vous savez. Eh bien, on vous retrouve dans un instant. Et on en reparle, tiens, justement, là, pour tous les passionnés. Mais avant ça, les infos, allez, c'est parti. 6h33, le point sur l'actu, c'est avec toi Rémi. On va démarrer par la météo pour aujourd'hui, c'est un peu mieux. Eh bien, c'est même beaucoup mieux avec le retour d'un temps calme et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le soleil fera enfin de belles apparitions partout. Et principalement sur le sud-est, entre les Alpes et la Côte d'Azur. Les températures ce matin, comprises dans le nord entre 6 et 10 degrés, 9 à Lille et à Paris, de 4 à 14 dans le sud. 9 à Lyon et 12 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 15 à Épinal, 16 à Lille et au Havre, 17 à Saint-Étienne, 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Paris, 20 à Lyon, 21 à Marseille et 23 à Montauban. La pollution, et ça reste acceptable. Les indices sont compris ce matin entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Avignon, Marseille, Toulon et Nice. Et avant, les règlements de compte au PSG qu'on va retrouver avec le sport. On fait le point sur toute l'actu et avec la pénurie d'essence. Et oui, ambiance tendue ce matin à Fos-sur-Mer, dans le sud du pays. Les forces de l'ordre ont débloqué la raffinerie et le dépôt pétrolier. Les policiers ont rencontré une résistance importante. Un responsable syndical affirme qu'il y a eu des tirs de flashball sans sommation et de canons à eau. D'autres interventions sont à prévoir alors que Manuel Valls appelle à ne pas céder à la panique. Le personnel de la compagnie industrielle et maritime du Havre a voté la grève hier soir. Le terminal pétrolier représente à lui tout seul 40% des importations françaises. 2 stations sur 10 sont vides ou en grande difficulté ce matin un peu partout dans le pays. La galère qui risque de se poursuivre dans le métro pour les franciliens. La CGT appelle les agents parisiens à une grève illimitée à partir du 2 juin. Objectif, demander l'ouverture des négociations salariales et dire non, une fois de plus, à la loi travail. Des perturbations sont à prévoir dès ce soir au niveau des Transiliens et des RER B, C et D. Début de la grève à 19h qui concernera particulièrement les usagers franciliens demain et jeudi. 2 ans et demi de prison requis contre l'ex-superflic de Lyon, Michel Néret. Il est jugé, vous le savez, à Paris depuis 3 semaines. L'ancien commissaire est soupçonné d'avoir donné des infos, des indices en échange de cadeaux et d'argent. Il aurait également rétribué des informateurs avec des stupéfiants saisis par la police. Un système Néret mis au jour au cours des audiences qui s'achèvent aujourd'hui avec la plaidoirie de la défense. 2 ans, 2 jours pour tout savoir. Les familles et proches des victimes des attentats de novembre dernier sont reçues par les juges en charge de l'enquête. Plus de 1000 personnes sont attendues à l'école militaire de Paris. Certains risquent de ne pas avoir toutes les réponses à leurs questions en raison du silence de Salah Abdeslam. Et bien justement, on va parler maintenant en brouille avec le PSG. Vanderville est pas content, ça bouge du côté de Lens, c'est du foot et du tennis aussi. Il règle ses comptes avec Laurent Blanc. Vanderville, vous le savez, ne jouera pas au PSG la saison prochaine. Les dirigeants n'ont pas souhaité reconduire son contrat. Une expérience amère pour le Néerlandais qui critique ouvertement son ancien coach à Eurosport. Il ne comprend pas pourquoi il a été mis en concurrence avec Serge Aurier alors qu'il a toujours tout donné pour être au top. Le latéral affirme que Laurent Blanc n'a quasiment aucun contact avec ses joueurs et qu'il ne lui a jamais expliqué pourquoi il n'était pas son choix principal sur le terrain. Pas content. Non, pas content du tout. Une nouvelle ère pour les sang et or. Le président du RC Lens, Gervais Martel, a confirmé hier la reprise du club par l'entreprise luxembourgeoise Solferino. On sait que cette société est proche de l'Atlético Madrid, ce qui pourrait apporter un véritable plus au club. 5 millions d'euros ont déjà été injectés, histoire de finir l'année sans problème. Aucun licenciement n'est à prévoir dans le staff. Et puis du tennis avec le tournoi de Roland-Garros. Les Français reçus 7 sur 7 hier quand la pluie s'est calmée. Gasquet, Simon, Manarino, Chardy, Bourg se qualifient chez les garçons. Georges et Garcia décrochent leur billet chez les filles. Tout ce petit monde rejoint donc Benoît Paire pour le deuxième tour. Merci Rémi pour les infos. On t'entend dans une demi-heure. Il est 6h37 sur Skyrock. 6h-9h. Parti pour le morning de Difool. Difool, the morning show. Le morning de Difool. C'est tout de suite sur Skyrock. Et ouais, en direct jusqu'à 9h, 9h10 même. Profitez bien de cette matinée. On aura 1 500 € à vous offrir dans moins d'une demi-heure, juste après les infos de 7h. L'horoscope de l'amour à 6h45. À 6h50 aujourd'hui, on va visiter les régions qui ont le plus ou le moins moins de partenaires sexuels durant leur vie. Ah, très bien. En gros, où est-ce qu'on a le plus de meufs, ou de gars d'ailleurs, et vice versa. On va découvrir tout ça. Selon vos régions, vous saurez tout là dans allez, un quart d'heure sur Skyrock, on vous dit tout. Et alors, cette journée spéciale. Alors, oui, c'est la journée mondiale. Oui, la journée mondiale de quoi? On a Corentin en ligne avec nous à Limoges. Bonjour Corentin. Bonjour équipe, ça va? Bonjour. Salut Corentin. Bienvenue à toi sur Sky Corentin. Tu te lèves tôt, t'as bien raison. Ouais. Ça permet de gagner des beaux cadeaux. Europa Park pour toi, pour 4 personnes. Tu as la journée mondiale de Romano aujourd'hui. C'est la journée mondiale de quoi? C'est la journée mondiale du bricolage. Bricolage, ah, exactement. Bah bien joué. Regarde ce qu'a écrit Cédric Romano sur l'affiche. Bicolage. Bicolage. Tu vois? Voilà. T'as oublié des lettres. Ah oui, le bicolage. Eh bien non, Cédric, ce n'est pas la bonne réponse. Par contre, Corentin, c'est bien la journée mondiale du bricolage. Mais à quoi ça sert, ça? Bah, je sais pas, il doit y avoir des. Il y a quoi de prévu? Des activités? J'en sais rien. Il y a 3 Français sur 4 qui sont passionnés de bricolage. Bah, moi, je fais partie des autres. Hein. Ouais, moi aussi. Ah, oui, c'est vrai. 3 Français sur 4 qui ont comme passion le bricolage. C'est dingue. Pourquoi pas? Et hop, je scie du bois. Ouais. C'est bien, Romano, tu vas t'éclater aujourd'hui, tu vas scier du bois toute la journée. Ah, comme un dingue. C'est pas la journée mondiale des bûcherons. Hein. Je vais mettre du chalumeau. Ah, pas chalumeau. Oh non. Bon, ben, fêtez avec nous la journée mondiale du bricolage. Je sais pas comment on va faire, mais. Eh ben, nous allons fêter ça dignement en se mettant des coups de tournevis. Wow. Ouais. Allez. On va passer du son, se mettre des tours de tournevis. Ça va être la folie, quoi. Jouer avec une visseuse. Non, mais il y a quoi d'organiser pour ce truc? Pour l'émission, tu parles ou pour Non, on va pas faire une émission sur le bricolage, ça, je vous le dis tout de suite. Hein, je voulais juste faire plaisir à Romano. Non, puis mais à toi, en France, dans le monde, il y a des trucs d'organiser ou pas? Non, je sais pas, spécial. Le roi Merlin, il faut un concours. Pour réussir. Bon, on les tu bricoles, Corentin, tu fais quoi, toi? Non, moi, je suis un peu comme Difool, moi, faut merci. Pas trop que je touche à ça. Ah, t'as les mains pourries. Merci. Ça fait plaisir, Corentin. Par contre, tu vas aller à Europa Park pour 4 personnes. Le pass, il est pour toi, tu vas t'éclater. T'as l'hôtel 4 étoiles. T'as la bouffe et puis t'as surtout le parc qui déchire tout. Ah ouais. Oh, merci l'équipe, c'est vraiment vraiment vraiment gentil. Merci l'équipe. Eh ben merci de te réveiller avec nous. On t'embrasse, Corentin. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut à toi. Ciao, bravo. Tu vas, Romano, y a pas que moi qui sais rien faire de mieux. Non mais après je respecte. Hein. Et Corentin aussi là. Mais c'est quand même bien utile de savoir bricoler un peu quoi. Mais pourquoi il y a une perceuse ici là? Bah c'est pour c'est faire pour des toi, trous. Du full. Une perceuse. C'est une visseuse. Cédric rêve que tu lui perces l'oreille. Ouais c'est ça. Ah ouais. Si vous voulez dans un instant je peux m'amuser avec Cédric. Visseuse. Je peux te visser l'oreille. Si tu veux. Sans problème. Tu veux que je te fasse une boucle d'oreille avec une vis? Oh ouais, vas-y. Suffit de me demander là. Bon, ben les bricoleurs, on vous salue. Merci pour tous les messages. Et attention, sur Skyrock, le son arrive. C'est SCH, c'est l'invité de Planète Rap. Il viendra nous voir dans la radio libre aussi, SCH, cette semaine. Il va passer, ouais. Il va passer nous voir. Il est en pleine forme. Un nouvel album qui sort vendredi. Anarchie, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, c'est Champs-Élysées sur Skyrock à 6h40. Ok, c'est SCH sur Skyrock. Motherfuck. Good morning show. Skyrock, premier sur le rap. Ouais, motherfuck. Quoi? AWR Mafia, man. A5. Away. Hey! Les petits sont mûrs, la vie c'est dur. Suffit pas de le dire. Assis sur un mur, voir l'avenir. Bloqué dans l'obscur, heureux dans la mire. J'suis pâle, bénévole. À l'instar des autres, j'suis sur le toit. T'es en quête du love, j'suis en guerre. J'appuie, pay, bitch, crame. Chacune son goût, deux putes dans le même lit. Le M en a les mêmes goûts, genre du root. Un bon siège cuir pack, un fer couleur nacré, ré, la oui, la oui. La main sur l'échange, les pas louées. Pas louées, pas louées, c'est pas louées. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Sur les champs, pas loué, pas loué, pas loué, pas loué. À partir les champs, je l'ai pas loué. J'suis plus sur tes côtes, pas méchant. Elle veut m'amadouer. Je suis sans tous mes potes, y'a pas de méthode. Mon son partout, ouais. J'suis sur écoute, c'est les rats, followers. On est en vie, rassurez-vous. Bonne drogue, brise homme, pas stoppé par l'épuisement. On a de l'argent et mes potos sont plus stoppés par leur pigment. Hein? Fuck le monde des mondes, on revient de loin, si loin. Aujourd'hui on rôde en la main sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué, pas loué, pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Pas loué, elle a roué. C'est fait sur les champs, pas loué. Sur les champs, j'ai pas loué. Pas loué, pas loué. À part sur les champs. K. qu'un doigt pour mes haters. Jalouse, elle me dit wesh, est-ce qu'on s'appelle après 9h? J'attends quand même depuis hier. Tu sais, j'ai mes envies moi aussi. Tu penses arriver pour quelle heure? J'ai sorti la ruine du frais. Emmène-moi tout en haut de la tour Eiffel. J'ai pas le temps pour ces conneries. Fais juste ton job, j'te paye après. Coque dans un petit paquet, c'est Marseille bébé. Parabellum, c'est la guerre en bas, on va pas ramper. Je sais que tu sais que je sais. Appelle-moi plus tard, là j'suis en. Viens-moi sur les champs, j'l'ai pas loué. Pas loué, pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. SCH sur Skyrock, SCH invité de Planète Rap toute la semaine, 20h, 21h, loupez pas le rendez-vous. SCH était Champs-Élysées et il passera dans la radio libre avec nous cette semaine, SCH. Ouais. En pleine forme, un nouvel album qui sort vendredi, Anarchie, ça s'appelle. SCH qui va être suivi par les Fifth Harmony, on a du beau monde ce matin. Vous tous en direct évidemment pour vous réveiller sur Sky. Et on va faire un sondage express ce matin. Le sondage express que je vais lancer, c'est combien vous avez eu de partenaires dans votre vie? Alors vous marquez votre âge pour. C'est clair que si vous avez, je sais pas, 15 ans. Vous avez sans doute moins de partenaires que quelqu'un qui en a, quoi que quelqu'un qui en a 60. Ouais, en général. Ah, en général. En moyenne, ça doit être un peu moins. Donc ouais. Vous nous marquez votre âge et le nombre de partenaires que vous avez eu pendant toute votre vie. Vous nous faites signe et dans un instant, on connaîtra les régions qui ont eu le plus ou le moins de partenaires sexuels. Vous saurez si vous êtes dans une région chaude. Absolument, ouais. Ou pas d'ailleurs. Romano, je comptais le nombre de partenaires que tu avais eu dans ta vie, mais c'est un truc quand même. Mais en Bourgogne, ça doit être rouge vif. Ben, grâce à toi, oui. On va voir. C'est clair, sur la couleur de la carte, ça doit être la folie. Je vous donnerai le résultat de la Bourgogne, parce que j'ai noté gothique, la gothique. Ouais, entre autres. Je l'ai mis en 1 avec un G majuscule, parce que c'est quand même la number one. Classe. La gothique, Pokipu, Mamuta, l'autre qui avait des dents là, avec Ratisha, elle s'appelait. Ratisha, il ouais, y a une meuf bien. Aussi qui avait un menton. Mantona, elle s'appelait. J'ai une meuf qui ressemblait à Cléopâtre. Elle est top modèle, hein. Ouais, la première, qui arrive de l'ouf pas trop, si tu veux, on peut parler de ta meuf actuelle. Là, vas-y, parle-en, y'a pas de problème. Alors, vous faites les comptes et puis vous nous dites hein, sur le 41759 et sur la page. Il y a des embrouilles dans l'équipe, je sens. Angèle nous dit qu'à 33 ans, elle a eu un peu plus de 10 partenaires. Moi, j'ai eu 10 partenaires, c'est mes 10 doigts de ma main. Ah ouais, merci à toi pour ton message. C'est Lucas, 15 ans, qui vient de nous envoyer. Ah, mais c'est bien, hein. On a compris. Oui, si tu as tous tes doigts, c'est bien. C'est alors, parfait. Je te le signale, Lucas, merci pour ton message. Mais les doigts, ça compte pas. Hein. Non, les doigts, ça compte pas. 12 mecs à 14 ans, c'est bien ou pas, nous dit Jadou. C'est beaucoup déjà. Jadou, ouais. C'est un peu faible. Eh ben, hein. Dis donc, Jadou, ça y va quoi. Dis donc, t'as battu Layaz qui a eu 10 partenaires à 24 ans, dis donc, pas mal. Valentin, 25 ans et 2 partenaires seulement. Toi, t'es du genre fidèle, Valentin, c'est bien. Dis-nous si c'est officiel ou si, alors, si c'est un message avec ta meuf derrière. Ou alors t'es du genre galérien. T'as pas le choix, ouais. Il y a deux possibilités, ouais. Tiens, il y a Drix, 23 ans, il en a eu 15 des partenaires. Moi, un seul, c'est. Bravo, poulet. Waouh. Un seul, c'est mon homme et j'ai 29 ans. Waouh, poulet. T'as jamais eu envie d'aller voir autre chose. C'est marrant, hein, ça. C'est bien, c'est l'amour. Bravo. 5 seulement à 21 ans et je suis un gars bien, moi. Merci Walker du 92i. Salut Walker, 21 ans et donc 5 partenaires. 28 ans, 84 partenaires. Wow, Babtou. C'est énorme. Ouais. Champion Babtou, ah tu ouais. En plus toi. Bravo, félicitations Babtou. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Ah oui, on fait la journée du bricolage rapidement. Comment faire si vous êtes comme moi ou comme Corentin qu'on a eu il y a un instant? Ouais. Vous êtes pas bricoleur et c'est la journée du bricolage et vous avez un truc à bricoler. Ah bah il faut demander de l'aide. Regarde Romano, comment tu me trouves avec une comment ça s'appelle cet appareil? Une perceuse. Non, une visseuse. Perceuse. Tu sais même pas que c'est une visseuse. Ah bah si, mais c'est une perceuse. Mais ça peut faire perceuse aussi. Ouais. Comment tu me trouves avec une visseuse? Ah bah entre c'est les magnifique. Mains. Franchement. On dirait un peu James Bond. Bon, on revient ma pistolet. On revient à mon sondage dans un instant là, le sondage du matin, et on vous donnera d'ailleurs les régions dans lesquelles on est le plus chaud. Ouais. Mais d'abord, je vais pour Romano visser une vis avec une visseuse. Wow. Ouais, ouais, mais t'es un vrai gueudin. Il y a le bon, il y a c'est le bon bordel là. Comment ça bah normalement, ouais, en bout, ouais, l'embout, la mèche. Non, c'est la mèche, c'est quand c'est une perceuse. Regarde, tu vois là, regarde, j'ai un truc. Je mets la visseuse dedans, je mets la visseuse dans la vis et. Pas mal. Waouh, waouh, waouh, c'est impressionnant. C'est bon, Karim, t'as pas vissé la main avec, non? Pas loin, mais merde, presque. Merde, attends, j'ai merdé là. Allez. Oh là là, mais quel professionnel. Ah merde, Romano, si j'avais monté ton meuble et que j'avais fait une entaille comme ça à cause de la visseuse. Non mais déjà, je te laisserais pas monter mon meuble. Pourquoi? Bah parce que je vois comment tu te débrouilles. Je vais mettre les mains. Allez, rentre dedans. Je vais mettre les mains où? Je vais pas les mettre les mains. Tiens la main, je crois. Oh là, oh là. Ça aurait niqué mon truc. Magnifique. Non, il a surtout niqué la vis. Je crois la vis, on peut plus la dévisser maintenant. Le pas de vis, il est un peu mort. C'est fini. Alors, vous êtes comme moi, vous avez des problèmes, que faire? Eh ben, allez voir les Français. Les Français qui sont 3 sur 4 à adorer le bricolage. Ah bah normalement, vous devrez avoir un coup de main assez facilement. Donc, avec notre French test de matin, on va pouvoir vérifier si les Français peuvent m'aider. Je suis équipé, c'est parti, on y va. Allez. Le French test sur Skyrock. Et Romano, je te nomme Monsieur Bricolage. Très bien, merci. Monsieur Bricolage aujourd'hui. Il est bien un meuble d'ailleurs, j'en aurais bien besoin moi. Ouais, mais je l'ai déjà bousillé, t'as vu. Tu pourrais faire une petite marche. Pour le chien. Ouais. Ouais, non, mais laisse tomber. Voilà, laisse tomber, carré. T'as 6h48, elle veut que je fabrique une marche pour le chien. S'il arrive pas à monter sur le lit. Oui, bah, je vais en faire un rang-chaussure. Moi, je me réveille là, tu vois. Si Dieu, j'ai pas envie de fabriquer une marche pour le chien. Et pourtant, c'est ta passion le bricolage. Ah là, bah, 7h10. Bonjour. Vous êtes sur la messe. Allô. Allô. Jordan. Oui. Ah, j'ai cru qu'on était tombé sur mes chaises. Bonjour, c'est Jordan. Bonjour, Jordan. Oui, c'est qui là? Oui, bonjour, excuse-nous, c'est des voisins. Je suis avec un ami. Et il a les bricoleurs du mardi. Et il a acheté un meuble, il n'arrive pas à le monter. Est-ce que tu pourrais venir nous donner un coup de main? Ouais, mais il est 6h du matin. Non? Ah, bah, on est d'accord. Parce que moi, pareil, ma meuf vient me demander de fabriquer une marche pour un chien. Je lui ai dit non. Pas possible. On peut te rappeler à quelle heure pour bricoler? À 8h, c'est bon? Je travaille. Ah bah, ou ce soir, à l'heure de l'apéro. On vient avec le meuble. Pendant qu'on picole, toi, tu montes le meuble. C'est qui, là? C'est deux amis, là. C'est comment tu t'appelles? Moi, toi, tu es Monsieur Bricolage. Moi, je suis Monsieur Bricolage, ouais. Et bah, toi, moi, je suis Romain. Ma pourrie. Si voilà, c'est Monsieur Ma pourrie qui découvre les joies du bricolage. Bon, Jordan, on passe te prendre à 19h. C'est qui, là? Oui, c'est bon, c'est Jordan. Monsieur Bricolage. Ça va. Et ma pourrie. Voilà, je vais te déboucher les oreilles avec ma perceuse, tu vas voir ce soir. Ouais, on va te percer les tympans, on va nettoyer tout ça là. Tu vas voir. Je suis devenu un spécialiste. Bah, ça m'amuse pas, mais j'ai un meuble à monter, donc tu sais. Ah, bah ouais, c'était pour nous rendre service. Bon, c'est sympa comme tout, Jordan. Eh bah, à 19h, on sera là, Jordan, à tout à l'heure. Sympa. Voilà, merci. Et Jordan va poser sa célèbre question. Mais c'est qui là? Bon, merci Jordan. À la prochaine. Bon, bah, bon courage à tous les bricoleurs de France. Bah, il y en a qui font ça par plaisir. Hein. Mmh. C'est votre journée aujourd'hui. Journée mondiale du bricolage. Et nous, c'est un peu tous les jours sur Skyrock, la journée de l'amour. Avec, dans un instant, les régions qui ont le plus ou le moins de partenaires. On va mater tous les messages que vous nous avez laissés. Merci à vous. Vous êtes en pleine forme ce matin. Ça tombe bien. Nous aussi. Et puis l'horoscope arrive. On va voir si les astres vont nous porter chance en amour. L'horoscope dans moins d'une minute sur Skyrock. Et le son pour se réveiller, c'est les Fifth Harmony. Qui arrive aussi avec Work From Home. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Miniservice. Jusqu'au 15 juillet 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Méné. Carrefour. Tristan, t'offres quoi à maman pour la fête des mères? Bah j'hésite. Un colino, une sculpture en pâte à sel? Non mais sérieusement, je pense qu'elle aurait rien contre un petit bijou en or. Et ça tombe bien. Jusqu'à ce soir, il y a 30% d'économie sur la carte Carrefour sur toute la bijouterie. 30%? Super, on va pouvoir lui prendre un collier, un bracelet. Pour la fête des mamans qui ne sont pas que des mamans, découvrez plein d'idées cadeaux dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, jusqu'à ce soir, 30% d'économie sur la carte Carrefour sur toute la bijouterie. Modalité et liste des magasins disposant d'une bijouterie sur carrefour.fr. Carrefour. Et l'horoscope de l'amour, c'est parti à 6h51. On n'est pas en avance, on y va. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Allez, moi, il faut pas me faire bricoler le matin, ça marche pas. Non, on a bien remarqué. Allez, les puissances amoureuses de tous les signes pour ce mardi 24 mai. On va démarrer par les Sagittaires et les Taureaux. 0 sur 5 aujourd'hui. Vous compliquez tout aujourd'hui et surtout les choses simples. Vous rendez même les choses simples compliquées. Arrêtez de vous prendre la tête, c'est le conseil qu'on peut donner aux Taureaux et aux Sagittaires. Verseau, Vierge, vous avez 1 sur 5. Si vous avez quelque chose à dire aujourd'hui et vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mais utilisez les bons mots. Soyez pas trop cash et pas trop vénère quand vous parlez aux autres. Les Verseaux, les Vierges, c'est cool. Le conseil qu'on peut vous donner. Cool. 2 sur 5, les Scorpions et les Poissons. Vous êtes en mode blagueur, dragueur, de bonne humeur aujourd'hui. Blagueuse, dragueuse aussi. Bon, ça vous éclate, mais attention, au lieu de séduire, ça peut faire fuir les Scorpions, les Poissons. 2. 3 sur 5, Bélier et Lion. Si vous êtes célibataire, vous aurez des occasions aujourd'hui. Et si vous êtes en couple, tout se passera bien. Donc, une belle journée avec un beau 3 pour les Béliers et les Lions. Un très beau 4 pour les Capricornes et les Balances. Vous êtes un peu des piles électriques aujourd'hui. Vous avez la pêche, vous êtes spontané, imprévisible. Tout pour apporter du bonheur aux autres. Les autres seront en plus présents à votre appel. Et 5 sur 5, les Cancers et les Gémeaux. Beaucoup de complicité aujourd'hui avec les êtres que vous aimez, en amour, en amitié, et notamment les amours qui vont se porter à merveille. Wow. Magnifique. Profitez bien, les Cancers, les Gémeaux, 5 sur 5. The Morning Show. It's been Harmony. The Morning Show on Skyrock. Et dans un instant, le sondage du jour sur Skyrock. Après les Fifth Harmony, les régions qui ont le plus et le moins de partenaires sexuels. Et ben, on va découvrir ça. Préparez-vous. C'est parti après Work From Home. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture. I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride or die, she gon' go. I'm gon' do, she finesse. I fight bull, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go away, no. Work, but you gotta be alive. Sur Skyrock avec Work For Home. Major Lazer arrive dans un instant, vaut 1500 euros aussi. Voici le sondage du jour, comme tous les matins. Oui. Vous en entendez 6h50, bon, il est 6h55. Aujourd'hui, le sondage concerne l'amour et le sexe. Les régions qui ont eu le plus et le moins de partenaires sexuels, je les ai là, le sondage vient de tomber. On va tout vous dire. Merci pour tous les messages que vous nous avez laissés. C'est varié hein, dans les messages. On a eu des femmes d'un seul homme qui nous ont laissé des messages, des hommes d'une seule femme. Je salue Tino de Marseille, qui a eu qu'une seule femme durant toute sa vie. Bon, c'est vrai que Tino de Marseille, tu as 19 ans, donc t'as le temps d'en avoir d'autres, oui. Mais pour l'instant, bravo Tino. Oui, bah si t'es bien avec celle que t'as. Dans un autre style, il y a Dorian qui a 27 ans, 60 partenaires. T'as chapeau. Hein. Ah ouais, quand même. Moi, j'arrive pas à compter, j'en suis à 1592. Je vous donnerai les résultats ce soir à 21h. 4 partenaires pour Alexia qui a 15 ans. Bisous à toi, Alexia. Lucie, 19 ans. Un seul et en couple depuis 3 ans. La femme d'un seul homme, c'est toi. Jérémy a 19 ans. Il a eu environ une dizaine de filles. Il habite dans l'Allier. Vous êtes chaud dans l'Allier. Hein. Je vois le message d'Anthony du 95, 25 ans, entre 50 et 60. Bravo! Mais PSG 5, il a 20 ans, 22 ans, 4 partenaires. Je peux même vous raconter, nous dit Nelson. Voici avant ça les résultats du sondage du jour. Alors, quelles sont les régions où on a le plus et le moins de partenaires? Alors, il y a 3 catégories. Les régions avec moins de 8 partenaires, les régions entre 8 et 11 partenaires durant toute sa vie, et les régions avec plus de 11 partenaires. En gros, c'est simple. Je vous cite d'abord les régions où, on est les plus chauds. Alors, vas-y. PACA. Ouais. PACA, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Ouais. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Donc, c'est dans le sud, on est chaud dans le sud. Hein. Oui. Et également, région parisienne, ça baisse dans tous les sens. Les trois régions où on a plus de 11 partenaires sont les suivantes: PACA, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Île-de-France. Après, on trouve toutes les régions qui sont en dessous de la Seine, c'est-à-dire la Bretagne, les Pays de Loire, le centre, la Bourgogne, ah, quand même. Bourgogne-Franche-Comté, le Rhône-Alpes et l'Auvergne, et puis l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes, entre 8 et 11 partenaires. Si votre région n'a pas été citée, vous êtes dans les régions où ça baisse pas beaucoup. Ah ouais, c'est ça cut pas beaucoup. Ou alors les régions où on est fidèle. C'est comme ça qu'il faut le voir. La Normandie, les Hauts-de-France et le Grand Est. Toutes ces régions-là sont les régions où on a le moins de partenaires, moins de 8 partenaires. Eh ben voilà. Eh ben c'est dingue. Plus on va vers le sud, plus vous êtes chaud. Ouais. Plus on va vers le nord, moins vous êtes chaud. Froid. Sauf une petite île au milieu, l'île de France. Voilà. Où ça baisse dans tous les sens. Ouais, ouais, ouais. C'est les régions qui ont eu le plus et le moins de partenaires. Vous savez tout sur Skyrock, vous savez où vous vous situez. Eh ben voilà, vous savez où vous déménagez. Exactement. Si vous avez envie de faire l'amour à tout va, quoi. Ou alors, si vous êtes en couple et que vous voulez cocufier ou être cocu, n'hésitez pas à aller en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA, Corse et Île-de-France. Là, vous allez voir. Et quand on aime, on ne compte pas, comme le dit VV, 45 ans de Haute-Saône, on t'embrasse, VV. Alors, ouais, VV. VV, 45 ans, elle n'arrive plus à compter. Ah, ouais, j'en peux plus. Ouais, il y en a eu trop. On t'embrasse, VV, on te souhaite une bonne journée. 6h58, on écoute tout de suite Major Lazer avec Light Up et juste après les infos de Rémi et vos 1500 euros à gagner. Ma cliente, elle a tout de suite pensé à Carglass pour remplacer son pare-brise. Et ça tombe bien, parce qu'en plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre un kit Manip Bluetooth Boulanger. Pas mal comme cadeau pour recevoir tranquillement ses appels en voiture, non? Alors, profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 4 juin, cadeau à retirer auprès de Boulanger, conditions sur carglass.fr. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, depuis qu'on a la liberté de distribuer des gigas sur les smartphones des ados, on a des merci mamounettes par-ci, des merci papounets par-là. Ah, si c'est pas mignon. SFR invente SFR Family, la première offre qui vous permet de partager vos 40 gigas avec chaque membre de votre famille sur leur forfait Starter Family. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine jusqu'au 6 juin pour les clients multipack avec une box de SFR avec engagement pour la souscription à un forfait Power 20 gigas. Détails sur sfr.fr. Le morning de Diffoul, en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Cha-cha. Up, c'était Major Lazer sur Skyrock, 7h01. Bonne journée, bon réveil, bonne chance. 1 500 € à gagner dans un instant. Bonne chance à toi aussi, Romano, pour les conseils pas chers. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on fait dans les conseils pas chers aujourd'hui? On va parler encore voiture et covoiturage. Très bien, voiture, covoiturage, comment gagner de l'argent. Est-ce qu'on peut faire co-scooterage? On peut, co-véloage aussi. Co-véloage, ouais, mais si c'est toi qui pédale, c'est toi qui traîne. C'est galère, ouais. Bon, on s'occupe de ça. Gagner de l'argent avec les conseils de Romano, c'est tous les matins sur Skyrock, ce sera à 7h10. Tout à l'heure, on prépare MHD, c'est ça qu'on a prévu, Romano? Ouais. MHD, ouais, qui arrive avec Afrotrap. Afrotrap partie 5. Ah, super aussi, on a prévu Omi avec Cheerleader, ça nous rappellera les souvenirs de l'été dernier, ça. Ouais. Omi à retrouver sur Skyrock et le point sur l'actu tout de suite, c'est parti, Rémi. Ouais. L'actu, le sport, mais d'abord la météo pour aujourd'hui, et la météo, c'est quand même mieux qu'hier. Eh ben oui, c'est carrément mieux, retour d'un temps bien clair, bien calme, ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le soleil va faire de belles apparitions partout et principalement sur le sud-est, entre les Alpes et la Côte d'Azur, mais en vérité, il fera beau partout, donc ne vous inquiétez pas pour aujourd'hui. Les températures ce matin, 5 degrés à Alençon, 6 à Orléans et à Clermont-Ferrand, 7 à Brest et à Limoges, 8 à Bordeaux, 9 à Lille, Lyon et Paris, 10 au Havre, 12 à Marseille et 14 à Bastia. Dans l'après-midi, il fera 14 à Cherbourg, 16 à Lille, 17 à Dijon et à Rouen, 18 à Orléans, 19 à Brest et à Paris, 20 à Nantes, 21 à Marseille, 22 à Toulouse et 24 à Biarritz. La pollution, ça reste acceptable. Les indices sont compris ce matin entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Avignon, Marseille, Toulon et Nice. Et comme promis, toute l'actu et tout le sport sur Skyrock juste avant vos 1 500 € à gagner. Et la CGT parle d'une scène de guerre. C'était chaud ce matin à Fos-sur-Mer dans le sud, où les forces de l'ordre sont intervenues pour débloquer la raffinerie et le dépôt pétrolier. 7 policiers sont légèrement blessés selon le préfet après avoir essuyé des jets de projectiles. Les responsables syndicaux affirment qu'il y a eu des tirs de flashball sans sommation et utilisation de canons à eau. D'autres interventions sont à prévoir. 20% des stations-service sont à sec ou presque à sec à l'heure où l'on parle ce matin. Le personnel de la compagnie industrielle et maritime du Havre a voté la grève hier soir. Le terminal pétrolier représente à lui seul 40% des importations françaises. Manuel Valls appelle à ne pas céder à la panique. Le ministre de l'économie Emmanuel Macron demande de laisser avancer la France qui travaille. La France qui travaille qui risque aussi de ne plus pouvoir prendre le métro à partir du 2 juin. La CGT appelle les agents parisiens à une grève illimitée. Objectif, demander l'ouverture de négociations salariales et aussi dire non à la loi travail. D'ailleurs, il en sera question de la loi travail dès ce soir avec des perturbations à prévoir au niveau des Transiliens et des RER B, C et D. Début de la grève à 19h qui concernera particulièrement les usagers de la région parisienne demain et jeudi, mais ce sera apparemment moins suivi que la semaine dernière. Des fumigènes introduits malgré les fouilles, c'est ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France lors du match OM-PSG, pas très rassurant, à quelques jours du début de l'Euro. Une réunion a eu lieu hier autour du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour corriger le tir. Le président du comité d'organisation de l'Euro assure que les mesures de sécurité seront renforcées. Puis l'Autriche qui résiste, c'est la une du gratuit 20 minutes ce matin. L'écologiste Van der Bellen a finalement été élu président après un bras de fer très serré contre l'extrême droite. Ce sont les votes par correspondance qui ont fait la différence. Les deux candidats terminent avec seulement 31 000 voix d'écart. On parle foot maintenant avec Rami, peut-être en équipe de France, c'est fort possible. Et puis des nouvelles du basket aussi. Ouais, il pensait que c'est sa saison terminée, peut-être même partir en vacances. Et bien finalement, c'est en bleu qu'il sera, tout du moins pour les prochaines semaines. Adil Rami a été rappelé par Deschamps chez les réservistes. Le joueur du FC Séville pourrait remplacer Raphaël Varane, qui vous le savez, s'est blessé à la cuisse. Le sélectionneur ne prend pas de risque et attend de voir l'évolution de sa blessure. On parle désormais d'une absence sur 2 matchs au moins, contre la Roumanie donc et l'Albanie. Du nouveau à Reims, l'ancien coach de Nantes, Michel Derzakarian, arrive au stade de Reims. Les Rémois viennent d'être relégués en Ligue 2 et rêvent déjà d'une remontée. Le nouveau coach a signé pour 2 ans, alors que du côté de Nice, eh bien c'est Claude Puel qui devrait re-signer. L'annonce sera faite aujourd'hui du côté de chez les Aiglons. Et puis du basket avec les demi-finales des play-offs de la Pro A. Strasbourg a dominé le Mans 80-77. Les Alsaciens mènent les débats 2-0. Bravo les Strasbourgeois. Ouais. Merci Rémi pour les infos. Il est 7h05 sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le Morning de Difool. The Morning Show en direct sur Skyrock. Alors c'est tout sur le sport, sur la météo, sur l'actu, la suite, donc tout à l'heure à 7h30. Ah tiens, juste un truc qui nous a fait rigoler hier, juste pour le plaisir. François Hollande, supporter de l'équipe de France, mais François Hollande également assistant à la Coupe de France. Magnifique. Ah vie, oui, là. Dans sa tribune. Dans sa tribune, et une petite déclaration d'après-match. Faut jamais louper les matchs de foot, il y a toujours des surprises. Celle-ci, elle était pas mal. Ce qu'a fait PSG cette année, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat de France avec Vous savez le nombre de points d'avance. Ça soit écouté bien. Ibrahimovic y est pour beaucoup. Voilà. Mais pas seulement Ibrahimovic, c'est une équipe. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Vous connaissez Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Non, c'est Ibrahimovic, monsieur. Ibrahimovic. C'est le président Romano. Attends, il prononce comme il veut. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ouais, mais là, il passe pour un con, là, quand même. Zlatan, t'entends comme il t'appelle, Ibrahimovic. C'est François Hollande, c'est notre président. Ouais. Ibrahimovic. Non, Zlatan n'en peut plus, là. Bon. Mais il y a un autre truc pas mal, c'est qu'à la fin de cette interview, le journaliste, il dit vous allez parler à Zlatan. Le mec, Hollande, il dit oui. Sauf que Zlatan, quand il est monté, le mec, il a serré la main, il s'est barré c'est direct. Il s'en battait les couilles, tu vois. Lui, il était là, bon, gagné le trophée. Et ben, bonne nouvelle, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic sera de retour en France pour l'Euro. Encore là, ouais. C'est un plat qui disait qu'il quitte la France. Mais non, il revient pour l'Euro, il sera là, Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Ibrahimovic. Merci, François Hollande, ça va bien passer. 7h07, quand je vous dis que les grandes stars sont là, on en aura une autre tout à l'heure à 7h50 pour le réveil de stars. Les conseils pas chers, c'est dans un instant. Et tu gagnes des sous et du covoiturage. Bonne chance, Romano. Le covoiturage cartonne en France. Et les 1500 euros aussi cartonnent en France. C'est tombé hier matin à 7 chez Nicolas. Et oui, il a gagné dans le 34. Et c'est peut-être pour vous ce matin. 1500 euros tout de suite. Le jeu des 1500 euros. 100 euros. C'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Et oui, 1500 euros pour vous. J'ouvre l'enveloppe et je vous dis tout de suite où est-ce qu'on va aller. J'espère que votre téléphone va sonner. Si ça sonne, bah vous savez qu'il faut répondre Skyrock pour gagner 1500 euros. Cash, on va dans le 92 ce matin, les Hauts-de-Seine. Si vous nous écoutez dans les Hauts-de-Seine et plus précisément à Clichy, eh bien il y a 1500 euros pour vous, la famille tirée au sort et la famille Pradillon. Et le prénom, c'est Caroline. Caroline Pradillon. Et toute la famille, car toute la famille peut jouer. Oui. Ah ouais. Oui. C'est celui qui répond Skyrock qui gagne. Ou celle qui répond Skyrock qui gagne. Bonne chance Caroline Pradillon. Bonne chance les Pradillons ce matin. Allez les Pradillons. Allez Pradillon. Et 5 sonneries, Maxi. Allô ? Oui. Bonjour Madame Pradillon. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va, c'est la radio Caroline, on est en direct à la radio ce matin. Hein? Eh oui, on est en direct à la radio Caroline. Et on t'appelle ce matin pour t'offrir 1500 euros. Oui. Faut répondre à une question, si t'as la bonne réponse, tu repars avec ton chèque. Tu es prête? Oui. Faut me dire Caroline, quelle est ta radio préférée? Moi c'est Fun Radio. Ah non, c'était Skyrock Caroline. Skyrock. Mais oui, Skyrock. Eh ben oui, Caroline. Et bah, ouais, non, je connais pas. Ah, tu connais pas. Mais tu es où? Tu es où? Elle sait plus où elle est. Tu es où, Caroline? Elle sait plus où elle est. Tu es bien à Clichy, Caroline. Oui. Non, j'habite dans une grotte. Oui. Eh ben à Clichy, tu peux écouter Skyrock. Mais oui, 96 nous, FM. Nous t'informons. Eh ben oui, ouais, ma chérie. Bon, ça, je l'écoute jamais, non. C'est vachement sympa. La première radio du 92, c'est Skyrock, ma chérie. Ah bah c'est pas grâce à elle. Bah non, c'est pas grâce à toi. Bah écoute, c'est normal aussi, faut en laisser pour les autres. Bah oui, quand même un petit peu. Je sais que tu détestes en laisser pour les autres, mais il faut quand même. Bah je sais bien, ouais. Bon, Caroline, on t'embrasse, on te souhaite une bonne journée. 96 FM, si tu veux nous écouter. Oui, vous aussi. Bonne journée, Caroline. Salut, Caroline. Salut, Caro. Eh ben un chèque pour vous. Elle vous le laisse, Caroline. Dans moins d'une heure, on recommence. 1500 euros à gagner. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. MHD dans le morning de D-Fool. Skyrock promet ce MHD. Et dans le morning, les conseils pas chers après MHD sur Skyrock. Eh ouais. 7h09. Vous reconnaissez les bâtards qui partent par intérêt. On paraît que penser mieux d'eux. Apprends que ma fée il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Envie ta tenue mon gars place au combat. On chip pas le fatigue, paye j'en teste. Mon bon qui va gérer mes vêtements. Et MHD ça tu vois les mecs de la hure. Je pense de mon délai c'est pas si t'as vu. Hey mon ami, c'est bon l'enfant aïe qui fait bouger ta ville. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Moalé. Faut que les jalousies vont pas vite. À 11h je vis ça à Bordeaux. Gardez appétit. On se barge la boule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les suicides. Gati appétit, gati appétit, appétit. Gati appétit, gati appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les cuisses si je te plais pas. Me mépriser mes gars sont mes prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Gros, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Appétit, là, connais pas la porte. On se suit l'air que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu passes, on sait que tu ne passes pas. Tu plus tu l'air quand la ligne est restreinte. Ngaté, appétit, on se marche la boule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngaté, appétit, ngaté, appétit, appétit. Ngaté, appétit, ngaté, appétit, appétit. passe par chez la moula du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngati appétit, Ngati appétit, appétit. Ngati appétit, Ngati appétit, appétit. Votre partie 5, c'était MHD sur Skyrock. Attention, attention au covoiturage, c'est dangereux. Regardez le message de Cyprien qui nous dit: je suis monté un jour dans la voiture d'un mec qui n'a pas arrêté de me draguer. Absolument, oui. Oui, viens faire du covoiturage avec moi, petit. Ouais, tu veux que je t'amène à l'école? Non, ça va, merci, monsieur. Allez, viens, ça, je t'amène à l'école, j'ai des bonbons dans ma voiture. Mais en tout cas, le covoiturage cartonne en France. Il y a un sondage qui a été réalisé par Ford. Ouais. Et en fait, alors, il demande aux Français: est-ce que vous seriez prêt à conduire d'autres passagers pour de l'argent? Alors, oui, la France arrive première avec 87% des gens interrogés qui répondent: oui, je prendrai quelqu'un pour de l'argent dans ma voiture. Et quand on pose la même question aux Français, qu'on leur demande: est-ce que vous seriez prêt à prendre quelqu'un dans votre voiture sans argent? Eh bien, ça tombe, on tombe dernier du classement. Bah ouais, ouais. Moi, ça me ferait chier, moi, de me travailler. Gratuit, ouais, c'est relou. Non, mais puis même, travailler quelqu'un que je connais pas, t'es obligé de faire un peu la discussion. Bah, tu vas faire du covoiturage ce matin, va falloir t'y ouais, faire. Ouais, mais là, c'est pour l'argent, là. Ah, toi là, aussi. Uniquement pour l'argent, c'est ma seule motivation. Donc, on est le pays qui est le plus prêt à faire du covoiturage, mais pour de l'argent, en plus. Ah, bah, bien sûr. Et ce matin, ça va covoiturer à donf. Avec la pénurie d'essence, les gens ont du mal à se déplacer. Eh bien, vrai. Ce matin, moi, j'ai de l'essence, elle est pleine à la gueule, ma voiture. Bah, il l'a remplie hier dans le morning. Eh bien, ce matin, je vais dépenser du carburant avec les familles qu'on va appeler maintenant. Et bah, c'est les conseils pas chers. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Tiens, Stella aussi, elle est tombée sur un pervers en covoiturage. Je déconseille le covoiturage à tout le monde. Un jour, j'ai failli me faire tripoter par un mec bizarre. Ah bah, oui. Tiens, appelle, vas-y, Cédric. Allez. Et Romano, tu vas peut-être pouvoir te faire tripoter, trouver l'amour dans la voiture. Oh. Ah, bah, c'est clair. Merci, lui, Stella, du message. C'est qui, lui? Stéphane, dans le 76. Allô, Stéphane? Stéphane? Stéphane du 76, je vais t'appeler, c'est le covoiturage, là, j'arrive avec ma voiture pour t'emmener où tu veux, bébé. Non, mais je crois que vous vous trompez, là. Hein. Ah, c'est la femme de Stéphane? Eh oui, mais charmante. Il t'a pas annoncé la grande nouvelle? Ce matin, je viens de chercher, je t'emmène un peu plus loin parce qu'il en a marre. Connard. Les gens sont bizarres, tu leur rends service. T'avais pas dit en plus que tu récupérais de l'argent, hein? Ah bah non, pas encore. J'avais pas annoncé le tarif, non. Non, non, bah c'est dingue ça quand même. En plus, on est dans des régions où il y a grosse pénurie. Ouais, ça, oui. Ouais. On est chez qui là? Normandie, chez Nord, Bretagne, Pays de Loire. Dans le sud aussi, ça t'intéresse. Ouais, Gérard? Ouais. Ouais, comment tu vas? C'est qui? Eh ben c'est Monsieur Lapince, là. J'ai répondu à ton annonce pour le covoiturage sur Internet. Et ce matin, je viens de chercher, là. Oh, il y a une erreur, là. Ah, si, je viens de chercher. On va faire un peu de route ensemble. Ouais. Bras dessus, chérie. Voilà, ok. Après, je m'arrêterai dans un sous-bois et puis on fera des choses cochonnes. Voilà. Et le tout pour 100 euros pour faire 50 km. Ça va. Impeccable. Je passe te chercher dans 10 minutes. Ok. Tu te laves les dents quand même parce que la voiture est petite. J'aurais pas tout été intoxiqué. Bon, GG, je suis là dans 5 minutes. Ok. Oublie pas l'argent, hein. Non, surtout pas. Hein. Ah, tout de suite, mon amour. Ouais. Bisous. Ouais, c'est ouais, le covoiturage de l'amour qui arrive. Oui. Ah, il voilà, y a quand même des gens sympas, ça fait plaisir. Ah, bah attends, Gérard, 50 km, 100 euros, franchement, c'est cool. Et une petite relation amoureuse en plus? Ah, bah on va s'arrêter dans les sous-bois. Tu nous as fait la totale. Là. Avec la rosée du matin, on va se rouler dans l'herbe. Ouais, c'est beau. Il va tomber malade, il va encore nous faire une maladie, il va se plaindre pendant une semaine. Ouais, encore. Mais Gérard aura eu droit à son petit coup quand même. Eh bien, conseil pas cher réussi, le covoiturage de l'amour. Mais c'est ça. C'est le nom de ma société. Magnifique. Ouais. Allez, 7h15, dans un instant, on joue au Chronotune. Attention, vous voulez gagner 300 euros? Oui. Eh ben, c'est pour vous sur Skyrock. Vous allez pouvoir jouer avec nous juste après Omi et Cheerleader. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. My one solution is Skyrock. Get God in place strong. Yeah, yeah. They singer, always on the corner, right there where I want him. All the other DJs playing, but Skyrock, you're number one. So play, spin the CD, Skyrock, you're making a history. I'm listening while I'm cruising in my auto on the freeway. Cheerleader sur Skyrock à 7h18. Quels sont les sports que vous préférez regarder à la télé? Parce qu'il va y avoir plein de sports. L'Euro qui arrive dans moins d'un mois. Après les JO, il y a le Tour de France, il y a Roland Garros, il y a... C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Il y a la Copa América aussi au mois de juin. La Copa América. Ah bah moi je n'attends que ça. De meilleurs des sports de merde, du golf, du cricket, hein, ouais. Vous trouvez tout à la télé. C'est quoi les sports que vous préférez regarder à la télé? Moi, le foot. Le ouais. Curling. Le curling, mais c'est bien Rémi. Voilà, t'as vraiment une vie de merde jusqu'au bout. Romano, le sport que tu préfères regarder à la non, télé? Non, mais je regardais l'Euro, mais alors les Jeux Olympiques, moi je serai sur la plage, hein, je vous l'annonce. Il fera ses Jeux Olympiques dans l'Euro. Les Romano. Jeux Olympiques, je m'en fous. Ah, moi j'aime bien, moi. Il fera Jeux Olympiques bronzette, Romano. Ouais. Carriole, c'est quoi ton sport? Ah, le foot pour les mecs. Hein. Le sport en chambre. Parce qu'il y a des mecs en short. Bah oui, c'est uniquement pour ça. Exactement. Cédric, toi qui es un grand sportif. Moi, aucun, moi. Le cyclisme. Tu regardes rien? Ah, je te jure, je regarde rien. Aucun sport. Aucun sport à la télé. Non, mais l'Euro, tu vas bien regarder pendant l'émission qu'on va obligé, ouais. Mais en fait, Cédric regarde du foot quand on le regarde le soir dans la radio libre. Ah, je te jure. Allez les bleus, allez, allez les bleus, allez les bleus. Ah, c'est bien, allez les bleus. C'est là, j'ai soutien. Je motive les troupes. Là. Bon, on va parler sport ce matin. Et on va parler JO. Les JO arrivent. Ça sera à Rio de Janeiro. Yes. Au Brésil. On va parler préservatifs parce que les athlètes sont des gros queutards. Ils ont prévu pour les athlètes un nombre de préservatifs. C'est la question que je vais vous poser maintenant. Combien de préservatifs gratuits seront distribués au total aux athlètes des JO de cette année au Brésil? Si vous avez la bonne réponse, je vais vous donner une fourchette, parce que c'est pas facile. Pour manger, c'est mieux. Ouais. Pour répondre aussi. Alors, c'est plus de... Combien tu proposes, Romano? Le nombre de capotes, allez, il y a combien d'athlètes, on sait pas? Il y a combien d'athlètes? J'en sais rien. 65 000, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est bon. Allez, je dirais 200 000. 200 000, c'est plus. Ils en donnent 2 ou 3 par mec, non, j'aurais 10 500 pensé, athlètes, 10 500, pardon. Ah bah alors, oui, bah donc c'est plus de 200 000. Allez, je dis plus de 200 000 et moins de 500 000. Si vous avez la bonne réponse, c'est au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Vous nous envoyez vite vos réponses et vous jouez avec nous pour gagner 300 euros au chronotune. Donc, combien de préservatifs gratuits seront distribués au total aux athlètes des JO, sachant que ça fait, allez, je vous donne un petit indice, faites le calcul, vous allez trouver 42 préservatifs par athlète. Eh ben voilà. Putain, mais ça va baiser. Ah ouais, quand même. Donc, faut JO. Wow. Ah, ça va y aller, moi. Eh, si vous voulez serrer, devenez athlète aux JO, j'aurais dû y aller, moi. Ah bah c'est sûr. J'aurais fait quoi? J'aurais fait de la lutte. J'aurais fait de la boxe également aussi. Ou de l'escrime avec ton nez. Et de l'escrime avec mon nez. J'aurais bien vu faire du saut à la perche, toi. Avec mon nez aussi. Pareil. J'aimerais bien courir avec la perche et tout. Allez, vos réponses très vite. Vous avez la bonne. Bah tentez le coup, allez-y. Vous nous envoyez ça au 41 759 ou sur l'appli Skyrock et vous laissez bien vos numéros. On vous retrouve dans 2 minutes sur Sky. Planet Rap, un rappeur hors norme et le succès qui va avec. Ok, ok. Depuis que tu l'as découvert dans le premier Planet Rap de l'année, il cartonne. Il cartonne. Ouais, je suis CSR, je suis sur Skyrock. Je la connais. Une semaine avant la sortie de son album, SCH, le rappeur marseillais débarque dans Planet Rap. SCH dans Planet Rap. Freestyle et invité exceptionnel. Tous les soirs en direct avec SCH et Fred sur Skyrock. Et en vidéo live sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Leclerc. Oh Philippe, elles sont magnifiques ces roses. Évidemment, ce sont des roses de chez Leclerc. Non mais elles sont vraiment très belles. Je sais. Elles sont pour qui? Ah, faut voir ça avec les enfants. Ils m'ont parlé de la plus belle des mamans. Et je la connais. La plus belle des mamans? Oh oui. C'est parce que les petites attentions font toujours plaisir que du 25 au 28 mai chez Leclerc, le bouquet de roses quartier fleurs de 30 tiges de 40 cm est à 7 euros. 20 modalités dans les magasins participants. J'ai promis aux enfants de les attendre. Mais c'est pour moi? La plus belle des mamans, c'est qui? Alonso. Avenue de Saint-Antoine, son nouvel album inclut les titres On met les voiles et Regarde-moi. Alonso, nouvel album disponible. Carrefour Market. Alors, voyons voir si vous êtes bon en géographie. Dans quelle région à l'est du Rhône peut-on entendre les cigales? La Provence, Michel. Et jusqu'au 29 mai chez Market, pour une bouteille de Côte de Provence Rose des Sources achetée, la deuxième est gratuite. Ah, en plus, vous êtes doué en économie. Oui, et c'est valable sur d'autres produits de marque. Tenez, je vous donne votre diplôme. Carrefour Market. La bouteille de 75 centilitres, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Je sais pas chez vous, mais chez nous, plus nos enfants grandissent, plus les dépenses qui vont avec aussi. Il leur en faut toujours plus. Plus d'argent de poche, plus de baskets, plus de débit Internet. Heureusement pour Internet, on a la solution. Jusqu'au 6 juin chez SFR, passez à la Box Fibre Starter Mini pour seulement 19,99€ par mois pendant un an, au lieu de 34,99€ par mois, avec engagement de 12 mois. Appelez le 1090. Service et appel gratuit. Fibre avec terminaison coaxiale, location de la box plus 3€ par mois, conditions sur sfr.fr. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Ouais, 7h24, on va jouer ensemble maintenant. On joue au Chronotune, le jeu qui rapporte de l'argent. Faut se battre contre le chrono, faut répondre le plus vite possible à la question que je vais poser. Mais d'abord, il y avait une question de sélection. Pour vous sélectionner, c'est fait pour. Et c'est Romain qui a été le premier à nous donner la bonne réponse. Romain, salut. Romain, tu es premier sur les capotes ce matin. Salut, salut Romain. Oui, premier sur les capotes, oui, c'est vrai. T'habites à Toussus-le-Noble dans le 78. Bah, dis donc, je viens de découvrir une ville d'Île-de-France, là, une ville des Yvelines. C'est Toussus-le-Noble, c'est ça? Exactement, exactement. C'est ouais. Du côté de où? C'est juste à côté de Versailles, 10 minutes à peine. Il nous appelle de son château, c'est ça la classe. Ah, eh ouais, le luxe. Et ouais, le luxe. Bon, Romain, on a posé une petite question, on parle des JO. Et la question concerne le nombre de préservatifs gratuits qui seront distribués au total aux athlètes des JO, sachant qu'il y en aura 42 par athlète. Ils ont prévu que ça allait défourailler pendant les JO. Ça va y aller, ouais. Alors, combien? 450 000. 450 000 préservatifs. Ça fait donc 42 préservatifs par athlète. C'est ça. Et toi, ça te fait 300 euros de crédit. Oui, bien joué. Eh ouais. Ouais. Maintenant, il faut les garder, les 300 euros. Ah, ça va être ça le plus compliqué. C'est l'heure du chronotune. Le chronotune. Sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Tu as 30 secondes pour répondre à la question. Et à partir du top, chaque seconde, je reprends 10 euros. Et ça, Romano, il est content. Ah ouais. Alors, je te souhaite de prendre du temps. Bon, attention, je vais t'aider. On parle du Brésil et bizarrement, on m'a préparé une question travestie. Ah. Ah, ouais. Bah, ouais, génial. Amis brésiliens, on vous salue. Oh, c'est Cédric qui a préparé la question. Oui. C'est le spécialiste des travestis dans l'équipe. Alors, donne-moi 5 choses qu'un travesti peut porter sur lui. Qu'est-ce qu'un travesti? En vêtements, genre un truc comme ça? Bah, vêtements ou autre chose. Ok, top chrono. Allez. C'est parti? Ouais, oui, c'est parti. Ok, alors des talons, des porte-jartelles, du maquillage, une jupe. Quatre. Entre les cuisses. Du mascara. Oui, c'est bon. Allez, maquillage, mascara, on a été gentil. Hein. Oui. On a été gentil. Non, entre les cuisses, un zizi. Bah oui. Ah ben voilà. Ah bah oui, c'est vrai. Oui. Un zizi et une paire de couilles en dessous. Exactement. Ça faisait deux réponses ah de bah plus. Ah bah oui. Bon, c'est pas mal, tu t'es bien débrouillé. Il reste 20 secondes, donc ça fait 200 euros. Pas mal. 200 euros pour toi, dis donc. Bravo. Mais pas mal, voilà, super bien. J'ai gagné 200 euros grâce au Travelo. Ouais, tu t'y connais bien, Romain. Ah ouais. Et une petite virée au bois de Boulogne avec Cédric, en t'organisant. Ouais, c'est ça. Ah, avec les 200 euros, vous allez pouvoir vous éclater comme des fous. Ah hein, ouais. Bah, d'ailleurs, Cédric. Ouais. Je vote pour toi au clash. Hein. Ah, c'est gentil, poteau, merci. T'as vu hier soir, j'ai gagné encore. Ah ouais. Bah, de toute façon, on sait tous que t'es le meilleur. Mais en trichant, évidemment. Gros big up à ma team, le belge. Bon, bravo en tout cas, Romain. 200 euros, on te les envoie très très vite. T'as tous su le noble dans le 78. On se plante pas juste à côté du château de Versailles. Exactement, merci beaucoup. Il y en a qui hallucinent, qui disent mais 450 000 préservatifs, c'est abusé. Énorme. 42 beaucoup, préservatifs par personne, mais c'est un truc de fou. Mais vous savez que ça, c'est chaud, hein, les athlètes. Hein. Ouais, je sais, ouais. On vous tiendra au courant. Carriole s'est fait secouer dans un village olympique. Par David Douillet. Ouais. Bon, on t'embrasse. Salut, Romain. Salut, ciao, bisous, l'équipe. Ciao. Il est 7h27, les infos arrivent. N'oubliez pas le réveil de Star, c'est à 7h50 tout à l'heure. Votre horoscope à 7h45. Et tout de suite, le son qu'on vous a. Non, j'ai même pas promis en plus. Bah tiens, petit son surprise. Qu'est-ce qu'on écoute, Drake? Ouais, Drake, One Dance. Ça fait toujours du bien. Découvert sur Skyrock, Drake. Avec One Dance, le son de Drake à 7h27. En direct de la part, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. 6h-9h tous les matins. Baby, I like your stuff. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Drake à Piel, 7h30 sur Skyrock en direct de l'appart et dans le morning. C'était One Dance. On va vous donner un petit conseil. Bah, ça va te plaire, ça, Romano. Comment gagner de l'argent avec votre appart, avec votre maison, avec votre chambre aussi. Ah, ça, c'est bien, ça. Et je vous en reparle juste après les infos de 7h30, car il est 7h30 sur Skyrock. C'est l'heure de faire le point sur l'actu avec toi, Rémi. L'actu, le sport. on s'en occupe. Mais d'abord, la météo. Et oui, parce qu'on commence toujours par la météo. Qu'est-ce qu'on va-t-il faire aujourd'hui, mardi 24 mai? Eh ben, c'est cool. C'est un temps calme et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Retour enfin du soleil. On l'attendait. Bah, ça y est, c'est là. Le soleil fera de belles apparitions partout et principalement dans le sud-est des Alpes à la Côte d'Azur. Les températures ce matin, comprises dans le nord entre 6 et 10 degrés, 9 à Lille et à Paris, de 4 à 14 dans le sud, 9 à Lyon et 12 à Marseille. Et dans l'après-midi, il fera 15 à Dunkerque, 16 à Caen et à Lille, 17 à Amiens, 19 au Mans et à Paris, 20 à Lyon, 21 à Marseille, 22 à Bordeaux et 23 à Pau. Et puis la pollution, ça reste acceptable. Les indices sont compris ce matin entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Avignon, Marseille, Toulon et Nice. On va faire le point sur l'actu. Dans un instant, le sport. On parlera de Mandanda et de Zlatan. Zlatan. Ibrahimovic. Ibrahimovic, c'est ça, François Hollande. Et tout de suite, bah, l'actu, c'est parti. On démarre avec les problèmes de pénurie d'essence. Ouais, et d'ailleurs, c'est une situation un peu compliquée, confuse même ce matin. Les grèves se poursuivent dans plusieurs raffineries du pays. Plus de 40 salariés ont cessé le travail, là. Il y a quelques minutes, à Notre-Dame de Gravenchon, en Seine-Maritime. Voilà qui ne va pas arranger les affaires, hein, sur une large façade ouest. Hier, c'est le personnel de la compagnie industrielle et maritime du Havre qui a voté la grève. Le terminal pétrolier représente à lui seul 40% des importations françaises. Vous devez savoir également que la raffinerie de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône a été débloquée ce matin. 7 policiers sont légèrement blessés selon le préfet après avoir essuyé des jets de projectiles. Les responsables syndicaux évoquent une scène de guerre et affirment qu'il y a eu des tirs de flashball sans sommation. 2 stations-service sur 10 sont vides ou en grande difficulté à l'heure où l'on parle. Encore de la patience dans les transports en commun parisiens. La CGT appelle les agents à une grève illimitée à partir du 2 juin. Objectif, demander l'ouverture de négociations salariales mais aussi dire non à la loi travail. Des perturbations sont d'ailleurs à prévoir dès ce soir au niveau des Transiliens et des RER B, C et D. Début de la grève à 19h et ça concernera principalement les usagers de la région parisienne demain et jeudi. La Poste qui continue de diversifier ses activités. Les salariés vont bientôt pouvoir faire passer le code de la route. La mesure entre en vigueur dans quelques jours, le 13 juin. L'entreprise va ouvrir 9 sites à Paris, Angers, Orléans, Valenciennes, Créteil, Nantes, Strasbourg et Lyon. Ils pourront tous accueillir 18 candidats sous la surveillance de postiers volontaires. L'inscription coûtera 30 euros et à la fin de l'année, 300 centres d'examen seront opérationnels. Le gouvernement espère réduire le délai d'attente qui est actuellement de 98 jours en moyenne. Le sport et le foot avec l'avenir de Mandanda en question, Zlatan, des nouvelles et puis la NBA aussi du basket. Le gardien de l'OM a annoncé son départ juste après la finale de la Coupe de France. Départ pressenti malgré le fait qu'il soit encore en contrat avec l'OM jusqu'en 2017. Pas mal de pistes pour le phocéen qui est surveillé par l'Inter Milan, mais surtout dans le viseur d'Everton et de Villarreal. Pas toujours facile pour les clubs de trouver des gardiens de talent et Liverpool et Monaco pourraient également se positionner. On verra ce qu'il décidera de faire dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et puis une indiscrétion de l'équipe ce matin, le quotidien sportif croit savoir que Zlatan est plus près que jamais de s'engager avec Manchester United. Ibrahimovic. Oui, c'est ça, Zlatan Ibrahimovic. C'est l'arrivée chez les Reds de José Mourinho qui pourrait tout accélérer. L'agent de l'attaquant souhaite que l'avenir de son joueur soit décidé avant le début de l'Euro, c'est-à-dire le 10 juin. Ce serait la première fois qu'il évoluerait en Première Ligue. Et puis les résultats de la NBA de cette nuit, ça jouait en finale de la conférence Est. Toronto enfonce le clou contre Cleveland. Les Raptors s'imposent 105 à 99 contre les Cavaliers emmenés par LeBron James. Le prochain match dans l'Ohio, le match 5, sera déterminant. Eh bien merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 8h. Il est 7h34 sur Skyrock. 6h-9h. Parti pour le morning de Difool. Difool, The morning show. Le morning de Difool. C'est tout de suite sur Skyrock. Oui, c'est tout de suite sur Skyrock et c'est jusqu'à 9h, 9h10 même. On a plein de choses pour se réveiller ce matin avec un super conseil, un conseil qui va vous permettre de gagner de l'argent. Ah bah ça c'est parfait ça. Il suffit d'avoir un abri, une maison, une chambre, un appartement. Si vous avez ça en stock, logiquement ça devrait être possible. Vous allez pouvoir gagner de l'argent. Comment faire pour gagner de l'argent avec son appart, sa chambre? Bah tu le loues sur Airbnb ou Abritel ou... Ouais mais non. Non? Mais non, c'est encore mieux que ça parce que tu gagnes pas autant qu'avec mon idée à moi, mon idée géniale que j'ai eue ce matin. Alors? Non, en fait c'est sur le net, tu vas voir sur le net et il y a plusieurs sites internet qui proposent de louer ta maison, ta chambre, ton appart pour des tournages cinéma, télévision, shooting photo, etc., etc. Ah ça c'est le bon plan, c'est quoi que ça paye bien hein? Bah ça paye super, tu sais que le prix d'une location pour une séance photo, Romano, varie entre 100 et 1000 euros. Bah moi je vais prendre 1000. Tu prends 1000, d'accord. Le montant pour un tournage tournage, donc film, vidéo, pub, oscille entre 1500 et 3000 euros par jour. Bah, ouais. Je vais prendre 3000. Airbnb peut aller se racheter, tu prends 3000. Bah ouais. C'est bien noté, voire plus si votre lieu est vraiment unique en son genre. Cédric, tu sais ta maison avec les poubelles à l'intérieur? Ah oh ouais, c'est chez moi. Je ouais. pense que c'est unique en son genre, toi tu peux te faire encore plus de 3000 euros. C'est clair. Sûr. Est-ce que vous loueriez votre chambre, par exemple, pour une journée à 1500 euros? Moi, oui, je crois. Ouais, moi aussi. Ah ouais, ouais. Je crois. D'ailleurs, je passe la petite annonce. Tous les jours. Si quelqu'un veut venir tourner un clip ou un truc, amenez-moi l'argent et je vous laisse l'accès à ma demeure. Et imaginez que c'est un tournage un peu spécial. Genre, par exemple, Jackie Michel vous appelle et vous explique: bonjour, c'est Jackie. J'aimerais tourner un film chez vous. Ouais, salut, c'est Michel. Ouais, parce que Jackie Michel, il parle comme ça. Hein. Ouais, j'aimerais tourner un petit film chez vous dans votre chambre. Ah, hein. Dans la chambre. Et, Allez, 1500 euros. Vous acceptez ou pas, tiens? Ah, moi, si je change le matelas, ouais. Tiens, dis-nous ce que vous en pensez. 41759, skyrock.fm, vous nous laissez vos messages. Et évidemment, avec l'appli Skyrock, téléchargez-la, vous envoyez des messages gratuits. Super, vous écoutez la radio, c'est génial. Tiens, Cédric nous dit: je veux bien pour Jackie et Michel. D'accord, Cédric du 59, c'est bien noté. Bah, franchement, moi, je préfère autant pour un film plus normal. Non, mais c'est, la question, c'est sur un petit porno. Un porno, moi, je te dis oui, mais change le lit. Pour un petit porno dans ma chambre, je dis pas non, nous dit Dylan, 18 ans, salut à toi Dylan. Ouais, moi pour faire des films X, mais je suis pas sûr que mon mari soit d'accord. Message de Angélique, on te fait un gros bisou Angélique. Bon, bah dites-nous ce que vous en pensez, dans un instant on va faire un test, on va voir si les Français sont prêts à louer leur baraque. On va caster. Oui, on fait un casting en direct sur Skyrock, préparez-vous. Et une star de télé-réalité qui vient nous réveiller ce matin. Ah ouais? Et qui? C'est le réveil de star, surprise Romano. Ah. Quelle star t'aimerais au niveau de la télé-réalité pour le réveil de star? Mais c'est un mec connu? C'est un mec ou une meuf, comme tu veux. Bah, Nabila, mais bon, on l'a déjà fait. Ouais, Nabila, moi j'aimerais bien Nabila. Ouais. Sinon, je sais pas, il y a que te réveille avec Nabila à côté de toi, c'est ça. Il y a Loana. Elle te fait allô, allô quoi? Tu lui expliques qu'elle a pas besoin de téléphone pour te parler, tu es à côté d'elle. Dans voilà. Allez, on s'en occupe, ce sera le réveil de star, 7h50, t'as pas loupé. Là, il est 7h37 sur Sky. Je m'appelle G-Eazy, le matin, j'écoute Skyrock. The Morning Show. Les mignons G-Eazy quand ils parlent français. Mais oui. Le matin, j'écoute Skyrock. Oh yeah. Bah nous aussi, ça tombe bien. Me, myself and I, sans Sky. Ooh, it's just me, myself and I. Solo ride until I die, cause I got me for life. Yeah. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks, all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die, cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a hand to hold, even when the night is cold. I got that fire in my soul. And I don't like talking to strangers, so get the f*** off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go ape, say f*** out of all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my angers. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly, this is lovely. This ain't random, I didn't get lucky. Made it right here cause I'm sick with it, Cuddy. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die, cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a hand to hold, even when the night is cold. I got that fire in my soul. I laid awake. Pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now, yeah, it's no debate. Yeah. Woo, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Woo. Yeah. Sur Skyrock avec Me, Myself and I. Est-ce que vous loueriez votre appartement à quelqu'un pour faire des séances photos, pour faire des films, des clips, des films? Oui, hein. Bah oui, bon, ça dépend quoi, mais oui. Je n'ai pas donné les sites d'ailleurs, si ça vous intéresse, parce que ça existe, il y a des sites spécialement dédiés à ça. Si vous louez, vous voulez louer votre appartement, votre maison, votre chambre, vous pouvez aller sur Ciné Décor, avec un S à décor. Ouais. Vous pouvez aller sur lieutournage.com. Vous pouvez aller sur 20 000 lieux. Sous les mers, je sais pas quoi, non, mais c'est pas écrit. Mais bon, ça doit être point un truc. Donc 20 000 lieux, c'est un truc qui s'appelle comme ça. Un autre, lieutournage.com avec un X à lieu. Et Ciné Décor, c'est des sites qui vous proposent de louer votre appartement, votre chambre, votre maison. Bah, moi, je vais noter ça, je vais aller m'inscrire. Bah. Entre 800 et 3000 euros, tu vas c'est pas mal. Bah écoute, ouais, s'il y a moyen, s'il trouve mon appart pas trop pourrave. On va faire le test là tout de suite. On va voir si les Français sont d'accord pour louer leur appartement, leur chambre, leur maison. Ouais. À Jackie et Michel. Ah bah oui, bien sûr. Que l'on remercie d'avance. Merci Jackie, merci Michel, merci Jackie et Michel. Ouais. Le French Test sur Skyrock. French Test cassé. Je vois les gars là, vous êtes déchaînés. Hein. Moi c'est les films X. Ok, je prête ma chambre et je participe. John Legend aussi, tiens. Ouais. Les Alpes-Maritimes. Moi, si c'est des films X et que je participe, je suis ok. C'est bien noté. Allez, on y va. C'est parti. Là, on va chez José. Il a une piscine. José, une piscine pour Jackie et Michel. Oh, magnifique. Ah ouais. On va mettre Ginette, professeure à la retraite et actrice préférée de Jackie et Michel dans la piscine avec Robert. Oui. Robert à la retraite aussi. Hein. Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour madame. Et vous m'entendez bien dans le téléphone? Oui. Et oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis Jackie. Je suis Michel. C'est Jackie et Michel à l'appareil. Et, on voulait vous proposer un petit quelque chose. On aimerait venir tourner quelques scènes de film dans votre maison ou appartement. Vous vous foutez de moi? Mais non, pas du tout. Mais on vous paye. Hein. Ah oui, vous êtes rémunéré. Hein. Oui, oui, d'accord, ok, oui, allez, au revoir. Et vous pouvez participer même, hein, vous allez peut-être devenir une star. Oui, allez, au revoir. Et après, vous direz merci Jackie, merci Michel. Merci Jackie et Michel. Ah, elle, même pour de l'argent, elle est pas d'accord. Non. On dit merci qui? Merci Jackie et Michel. Oui. Ça, c'est tout votre alcoolique, là. Merci qui? Merci qui? Merci Jackie et Michel. Alors, suite du casting. Là, c'est chez Patrice. Patrice. Est-ce qu'il va nous louer sa chambre, Patrice? Lui, il a pas de piscine, lui. Non, tant pis. On mettra pas Ginette dans la piscine, on la mettra dans la baignoire si elle rentre. Quoique, c'est pas sûr. Ouais, on va voir. Ouais, parce que Ginette de Jackie et Michel. Attention, elle envoie du lourd. Hein. Du lourd dans tous les sens du terme. Ouais. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour, excusez-nous de vous déranger. Moi, c'est Jackie. Moi, c'est Michel. Nous sommes Jackie et Michel. Oui. Et en fait, on voulait venir tourner quelques scènes dans votre appartement ou maison, si c'était possible, contre rémunération, bien entendu. Non, c'est pas possible. Un bon film de cul. Mais non, sérieux, un bon film de cul dans votre appartement. Mais non, je t'ai dit de le dire à la fin, ça, Romano. Bah oui, mais bon, d'abord la somme, tu lui dis 1500 euros et après. Ah non, mais ça, je pourrais pas dire, moi je t'ai laissé dire la somme. Ah, 1500 euros, c'est qui les paye d'ailleurs? Bah, Cédric. Bah, très bien, d'accord. Sûr, ouais. Cédric, c'est lui qui est en connexion avec Jackie et Michel. Et là, on dit quoi? On dit merci Cédric. C'est Cédric qui était allé à Jackie et Michel à la boutique. Ouais, c'est vrai, ouais. C'était fait des amis là-bas. C'est vrai qu'il y a un sex shop Jackie et Michel. Ouais, on y était allé un soir. Cédric avait fait une mission chez Jackie et Michel. On dit merci qui? Merci Jackie et Michel. C'est bon, c'est gentil. Il est un peu lourd, lui. Un peu lourd, mais sympa comme tout. Eh, pas facile, c'est bizarre quand même, parce que moi, tu sais, tu me proposes 3000 euros pour quoi qu'un film de Jackie et Michel dans ma chambre, je suis ouais, pas sûr. Ouais, c'est chelou un peu. Hein. Ouais, il pourrait me salir, mais non, c'est pas. Et puis à la fin, ils te diront. On dit merci qui? Oui, ta gueule. Ah, elle est relou. Allô? Allô? Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui. Oui, je vous appelle, c'est... Moi je m'appelle Jackie. Salut, moi c'est Michel. C'est Jackie et Michel. Je te laisse annoncer le prix. Hein. Oui, on vous appelle pour savoir si on pouvait venir tourner un film chez vous, mais contre rémunération bien sûr. Hein. Mais qui vous êtes? Bah, on fait du cinéma, on est dans le ciné, on est assez connus. Hein. Et donc on cherchait des petits lieux sympas. On est passé devant chez vous, on a trouvé que c'était pas mal pour tourner un petit film. Il y avait une on n'est pas des petits vieux, alors je vous rassure. Hein. Ah mais je sais bien que vous êtes pas des petits vieux, on fait pas dans la gérontophilie. Hein. Ah non, mais vous inquiétez pas, ça y a aucun souci. On a trouvé votre logement fort sympathique et on s'est dit tiens ça peut nous convenir. Donc une journée pour un petit tournage et puis on vous rémunère entre 1500 et 1500 euros. Ah mais moi j'ai pas un petit logement, c'est dommage. Vous avez quoi? Ah, moi j'ai un grand logement. Ah, bon, on prend quand même, allez. Allez, ouais, au pire on en prendra que la moitié. Ouais. Si vraiment c'est trop cher. Bon, on peut venir tourner? Ah non, ça sera pas possible. Allez, pour 1600 euros, je fais monter les enchères. Non, moi, même 1600 euros, c'est pas possible. Mais la journée, 1600 euros. Moi je vais tomber dans les pommes à un moment donné avec des tarifs comme ça. 1700, je vais le faire tomber. Allez. Ah. Oh. 1000, allez, je vais à 2000. Waouh, wow. Soyons fous. 2000 et on arrive la biroute à la main, quoi. Et dans ta chambre. La biroute, ouais, mais la biroute, vous la gardez. Allez, on vient à la biroute à la main. Jackie et Michel, on est spécialisé dans les films un peu olé olé, quoi. Olé olé. Ouais, voilà, non, mais c'est pour ça. 2000, c'est pas assez cher. Donc, allez, 3000. Hey, non, même, même. Et là, Romano vient de s'évanouir. Je sais pas, c'est un truc de radio. 2000, c'est pas assez cher. 2000 et vous participez. Non, c'est pas assez cher. On fait de vous une star et après, à la fin, tu nous dis merci, Jackie et Michel. On dit quoi? Mais c'est gentil, merci Jackie Michel, c'est pas bon. Vous passez à côté de votre carrière. Hein. Ma maison et moi-même ne sommes pas des femmes faciles. Ah. Même la maison n'est pas facile. Ma maison est sacrée. Tu es sympa, Jackie et Michel, te remercier et t'embrasse. Oui. Et Skyrock aussi, d'ailleurs. Eh ben, gros bisous. On te fait un gros bisou. C'est Skyrock. Ben oui, c'est Skyrock. Salut, oui. Ma chérie, c'est quoi ton prénom? C'est Irène. Oh, Irène. Tu veux pas qu'on se fasse un petit truc dans ta maison, mais sans caméra? Non, même pas. Bon, merci pour le râteau. Voilà. Merci, Mireille. Irène, on fait un gros bisou. Gros bisou. Salut à toi, ciao. Ciao. Il est 7h47. On va faire l'horoscope dans un instant, puis on va retrouver une autre star de la télé-réalité qui va réveiller les familles de France ce matin. Une star de la télé-réalité qui a l'honneur à nouveau depuis hier. Je vous fais écouter sa voix, tiens, si vous la reconnaissez, vous nous dites qui est-ce et je vous offre Europa Park, ça vous va? Ouais. Allez, pour la deuxième fois de la matinée, 4 passes pour Europa Park, plus l'hôtel 4 étoiles, plus les petits-déj et le parc de folie, il est pour vous. Qui est donc notre invité mystère pour le réveil de star? Il va réveiller les Français dans un instant. Salut les filles! Oh, mais Cédric, tu lui as tout appris après ce que j'entends. Ah, t'as vu un peu. Salut les filles! Salut les filles! Qui est donc cet invité mystère, écoutez? Salut les filles! Salut les filles! On l'a vu sur TF1, il a zappé sur W9. Ah, Moundir ? Bah, ta gueule, Romano, c'est un jeu. Ah, bah, tiens, voilà, c'était. Bah, je sais pas, tu demandes, je réponds. Je posais la question à vous qui nous écoutez. Y a personne qui répondait dans l'équipe. Moi, j'ai c'est trouvé. Normal, c'est la bon, alors, le cadeau. Bah, le cadeau, c'est Europa Park pour 4 personnes. Ah, c'est vraiment sympa, merci. Allez, on vous envoie ça, préparez-vous. Moi, je pars direct, là. Et dans une minute sur Skyrock, l'horoscope de l'amour, on le découvre tous ensemble. Et puis le son de Designer. Ah, ça, c'est du lourd, Designer. Gros son US qui s'appelle Panda sur Skyrock, il est 7h48. Après les succès de la CEDAI et Pardon, découvre Je m'en fous, le nouveau single de RZA. Je m'en fous. RZA, la réédition de l'album Tranquille, déjà disponible. Leclerc. Ah bah dis donc, vous aimez la pizza? Avec 30% de réduction immédiate sur la pizza crust, classique, jambon et mentale se débauche chez Leclerc, on adore! En plus, c'est un produit partenaire du grand jeu La Ligue des Supporters. 3 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner des cadeaux. C'est parce qu'il y a des produits que toute la famille adore que du 24 au 28 mai chez Leclerc, la pizza crust classique, jambon et mentale se débauche de 600 grammes avec 30% de réduction immédiate est à 3 euros, soit 5 euros le kilo. Voir modalité dans les magasins participants. Une bonne pizza se débauche en regardant du foot. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Allez, l'horoscope de l'amour de ce mardi 24 mai, c'est parti à 7h49. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Les puissances amoureuses de tous les signes, comme tous les matins, on va voir si vous allez cartonner en amour aujourd'hui. On va commencer par les derniers. Les premiers, pardon. Les cancers et les gémeaux. Donc les sagittaires, a priori, c'est mal barré pour vous. Oui. Hein. Les cancers et les gémeaux, 5 sur 5. Beaucoup de complicité avec les êtres que vous aimez, vos amours, vos amis. Tout va se porter à merveille aujourd'hui. Une très belle journée, un beau 5 pour les cancers et les gémeaux. 4 sur 5, les capricornes et les balances. C'est bien pour vous aujourd'hui, vous êtes des piles et les électrique. Vous êtes spontané, vous êtes imprévisible, vous allez apporter du bonheur aux autres. 4 sur 5, on s'en ira pas avec les Capricornes et les Balances aujourd'hui. 3 sur 5, les Béliers, les Lions, si vous êtes célibataire, vous aurez des occasions aujourd'hui. Et si vous êtes en couple, tout se passera super bien. 2 sur 5, les Scorpions et les Poissons, vous êtes en mode blagueur-dragueur ou blagueuse-dragueuse. Vous vous éclatez, ça vous amuse, mais attention, parce qu'au lieu de séduire, ça peut faire fuir aussi, faut faire gaffe. 1 sur 5, les Gémeaux, les Verseaux, pardon, et les Vierges, Verseaux, Vierges. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, parce que vous avez quelque chose sur le cœur aujourd'hui, mais utilisez les bons mots et ne soyez pas trop cash. Et pour finir, je vous l'avais dit, les Sagittaires, vous avez zéro aujourd'hui, bravo carriole. Voilà. Les Taureaux aussi, zéro, Sagittaire Taureau. Vous vous compliquez la vie pour rien aujourd'hui, vous rendrez les choses simples, toutes compliquées. Arrêtez de vous prendre la tête et vous verrez, la journée sera bien meilleure. C'est les petits conseils de Skyrock ce matin. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Et dans un instant, le réveil de star sur Skyrock. Il va réveiller les stars et les familles. C'est une star de la télé-réalité. On le retrouve après. Designer, gros son sur Sky, gros son rap US. On écoute Panda, Panda, Panda. To the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on their hands, legacies, family, wait and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, in the bullet you bandit, hope killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, way see, family, package full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, then they pull up your bandit, hope the killers understand me. Hey! Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning shoe, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let designer, over to Lattice shoe. They be acting rats, I know we clapping shoe. I be pulling us up in the finest shoe. I got plenty just up with Bugatti, but look how I tried to shoot. Legacies, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the Panda, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of new money. No some killers pull off in the end of baby. CTD pull off in the killer baby. Call a filler, feel like gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. In the rave, doing the penny. I be getting to the chicken, count to the chicken. And all of my niggas, you bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to lean the fan. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, why is he look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacies, family, why is he panda? Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Killers understand me. Panda. Panda, panda, panda sur Skyrock. On écoutait Designer, c'est le rappeur qu'on écoutait là maintenant, avec deux I pour Designer, parce que c'est la classe, les rappeurs ils se mettent deux lettres. D'ailleurs Romano, tu devrais l'écrire avec deux O au début, Ro-O-O, Mano-O-O à la fin. Romano, ouais, c'est ouais, pas mal. Ça ferait Romano en Amérique. Romano, yeah. Designer, c'est lui qu'on vient d'écouter sur Skyrock à 7h54. Et à 7h54, on vous a demandé, mais qui était donc la star de ce matin qui allait réveiller les familles? Salut les filles. Salut. Et là, c'est que je n'ai pas du tout donné la bonne réponse. Non. Tu n'as pas du tout aider les auditeurs, Romano, mais c'est ton grand cœur qui apparaît. Ouais, mais ça va me perdre un jour. Ton cœur, oui, ça c'est sûr. Ta générosité va te perdre. Ah, c'est terrible. C'est Vanessa qui est avec nous en direct de Marseille. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour. 27 ans et marseillaise, et tu as reconnu Mon Dieu. Et Mundir te dit... Salut les filles. Ah, salut les filles. C'est gagné, Vanessa. Ah, trop bien. Trop bien. C'est Mundir. Mundir, il s'énerve parfois. Je sais pas, oui. Je sais pas pourquoi il est énervé parfois. Ça va, Mundir? Je vais te déchirer, t'as compris? Allez, allez. Fille ou pas fille? Non, mais du calme, Mundir. Mais oui, du calme, du calme. Ah, il est du sud. Ah, il est du sud, il a le sang chaud alors. Eh bien, c'est toi, tu viens de gagner Europa Park pour 4 personnes. Je suis trop contente. L'hôtel 4 étoiles, 4 personnes avec toi, plus les petits-déj, plus le parc qui déchire. Bravo Vanessa, t'es la deuxième gagnante de la matinée. Ouais. Bravo, bravo, félicitations. Trop bien, merci beaucoup, vraiment, vous êtes l'énorme. Eh ben, je suis gentil comme toi. Énorme surtout Cédric. Hein, ah oui, c'est clair. Aussi. On fait un gros bisou Vanessa. Gros bisou, merci beaucoup. Bisous. Salut, salut. Et c'est l'heure du réveil de star tout de suite. Mundir vient réveiller les familles de France. S'il est énervé comme ça, je ne sais pas comment va être le contact. Ouais, ça promet. On va voir ça. Mundir, on va essayer de le calmer un peu. Le voici tout de suite dans le réveil de star avec Jean-François. Le réveil de star. Une star, un appel. On écoute. Et on écoute donc Mundir et Jean-François. Qu'est-ce que ça va donner le contact entre les deux? La grande rencontre. Je croise les doigts, moi. Hein. Oui, bah moi aussi. Allô? Salut les filles! Ah là, il y a un problème. Oui? J'aime bien titiller les filles pour voir jusqu'où elles peuvent aller, quoi. Mais c'est qui? Un Superman sans cap. Un Superman sans cap. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais lui mettre une patate dans le menton, je vais le déchirer. Ah. Ouais, bah viens ici, j'ai une peau de cartouche de sel pour toi. Je vais te déchirer, t'as compris? Allez, allez, fille ou pas fille? Ouais, allez, amène-toi. Pourriture! Du calme, on dit. Espèce de con, moi. Ah bah attends. Et si tu l'as fermé, ta gueule un petit peu? Ouais, bah toi aussi, parce que sinon tu aurais vite être déclaré la gendarmerie, hein. Espèce de sorcière, va. Sorcière, va. Mais c'est un homme. Ouais, allez, va récupérer ton main, vieux chien. Mundir. Bon, Mundir et Jean-François, ouais, moyen. Tu es ton vin. Mundir et Patrice, comment ça va se passer? Ah bah on va essayer. Bon, parce qu'avec Jean-François, le contact était moyen. Moyen. Mundir, faut pas qu'il s'énerve. Quand il est tout le temps en train d'hurler. Oui. Oui, allô? Salut les filles. Oui. Pour qui vous êtes? Un Superman sans cap. Je vois pas qui c'est. C'est Mundir. Pète les pieds. Pourquoi elle pète les pieds, ma femme? Toi, j'aime pas ta gueule parce que t'es moche. Et vous racontez des conneries ou quoi là? Pourriture! Comment ça, pourriture, pourquoi? Je vais te déchirer, t'as compris? Allez, allez, fille ou pas fille? Bah oui, mais vous êtes qui? Je vous connais pas, moi. Un Superman sans cap. Mais c'est qui Superman sans cap? Tu vois pas qui c'est? Mais arrête, vas-y, arrête. Je parle plus avec toi. Pour qui vous êtes? Dites donc, vous jouez à quoi comme petit jeu? Moi, je vais appeler les flics, on va pas tourner en rond, hein. C'est bien, on avait ça la gendarmerie. Ils vont bien venir vous rechercher, vous inquiétez pas, hein, ils vous retrouveront. Allez, salut, espèce de con. Voilà, c'était Mundir, voilà. L'espèce de con. Hein, ben voilà. Perdu, hein. Quelle belle fin. Oui, la gendarmerie au premier coup de fil, la police au deuxième. Wow. Bah écoutez, voilà, carton plein pour Mundir. C'est très bien, on a la totale. Mundir qui est de retour à la télé sur W9. Il a remplacé les Marseillais, Mundir. C'est quoi, Mundir et les apprentis aventuriers? Ouais, c'est ça. C'est une espèce de Koh-Lanta mélangé avec des gens de télé-réalité. Ouais, quoi, en gros, ouais. C'est un Koh-Lanta discount. C'est un Koh-Lanta W9. Voilà, c'est ça, c'est un Koh-Lanta qui coûte pas cher. Voilà, c'est pas cher. C'est Mundir qui est de retour. Faut qu'il se calme, Mundir. Hein, quand ah, même, il est sur les nerfs tout le temps. Mais oui. Merci, Mundir, d'être passé ce matin. Si tu l'as fermé, ta gueule. Oui, voilà, écoute. Oula. Mais deux minutes, parce que dans un instant, on a 1 500 € à offrir, Mundir. Ah ouais. 1 500 € à gagner. Bah, c'est pour vous. Préparez-vous. Hein, ça arrive sur Skyrock. Il est 7h58. Les infos aussi et les conseils pas chers. Aussi. Ouais. L'artiste baby. Découvre Ça me va, le nouveau single de l'artiste. Sur un fil et ça me va, ça me va. L'artiste, Ça me va, le nouveau single de Maestro. Le maestro. L'album déjà dans les bacs. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Mini Service. Jusqu'au 15 juillet 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Méné. Vichère fait un retour fracassant chez Intermarché. Eh oui, tentez de gagner deux places pour la finale de l'UEFA Euro 2016 avec Coca-Cola en faisant vos courses chez Intermarché. Oh, ça c'est du cadeau qui va droit au but. Venez vite jouer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalité et magasins participants sur intermarché.com du 24 mai au 12 juin. Votre attention, s'il vous plaît. SNCF vous informe que vos cartes de réduction sont désormais valables pour vos voyages en Europe. Juste au moment du Big City Beats, le festival électro de Francfort. À nous les soirées de folie. Vous venez ? Avec plaisir. Allez ! Avec vos cartes de réduction SNCF, profitez de moins 25% garantis sur vos voyages en Allemagne, mais aussi en Italie, en Suisse et en Espagne. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur sncf.com. Le morning de Difool. Le morning show. 6h, 9h sur Skyrock. Work, work, work, work, work, work. You tell me I'll be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's how me better work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my tie, tie, tie, tie, tie. Drive me a dessert. No time to have you lurking. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You tell me I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's how me better work, work, work, work, work, work. Da da da da da. When you walk out, da da da da da. Before the table turn, turn, turn, turn, turn, turn. Beg you something, please, baby, don't you leave. You. I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, why, why, why, why, why. It's me, I feel why, why, why, why, why, why. You see me do my da, da, da, da, da, da. So me by that why, why, why, why, why. When you walk out, la, la, la, la, la, la. When I care for my ta, ta, ta, ta, ta. Yeah, okay. We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me up there, work, work, work, work, work, work. You see me do my da, da, da, da, da, da. So me better work, work, work, work, work. When you walk out, la, la, la, la, la. When the cat from my tur, tur, tur, tur, tur. C'est le morning de Difool. The morning show. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Il est 8h02, les conseils pas chers de 8h10. S'ils arrivent, on va s'occuper d'amour ce matin dans les conseils pas chers. L'amour, ça peut rapporter de l'argent. Ouais, mais l'amour, ça peut coûter cher aussi. On va vous poser une petite question. Tiens, vous pouvez réagir, vous nous laissez vos messages au 41759 et sur l'appli Skyrock. Vous nous dites, qu'est-ce qui coûte cher en amour? Bah, oh. Une meuf. Les meufs, ouais. Les meufs, je pense que vous allez arriver numéro 1 du classement. Non, mais qu'est-ce qui coûte cher quand on est avec une meuf? Qu'est-ce qui vous a déjà coûté cher? Est-ce que vous avez beaucoup investi en amour? Ouais. Vous nous laissez vos réponses sur le 41759 et sur l'appli Skyrock. On en reparle dans les conseils pas chers à 8h10. Et puis dans un instant, vos 1 500 euros à gagner. 1 500 euros. Si vous répondez Skyrock, préparez bien vos téléphones. Et puis notez qu'on va retrouver aussi Stromae. Ça va faire plaisir, ça. Laquelle? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté Papa Outé dans le morning. Outé, Papa Outé. On l'écoute avant 8h30. 21 Pilots dans un instant. Bon, vos 1 500 euros. On va pas attendre longtemps le temps de faire le point sur l'actu, sur le sport. Mais d'abord sur la météo avec toi, Rémi. Ouais, et ben, retour du temps calme et ensoleillé aujourd'hui. Donc, même si c'est un petit peu gris par endroit ce matin, pas d'inquiétude, ça va se lever. Le soleil va faire de belles apparitions partout et ce sera le cas principalement sur le sud-est des Alpes à la Côte d'Azur. Les températures ce matin, 4 degrés à Rodez, 6 à Nantes et au Mans, 7 à Saint-Étienne, 8 à Toulouse, la Ville Rose, 9 à Lille, Lyon et Paris, 10 à Strasbourg, 12 à Marseille et 14 sur la promenade des Anglais à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 15 à Épinal, 16 à Lille et au Havre, 17 à Saint-Étienne, 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Paname, 20 à Lyon, 21 à Marseille, 23 à Montauban. Et puis la pollution, ça reste acceptable. Les indices sont compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Avignon, Marseille, Toulon et Nice. Regardez le message, un mec, ça coûte trop cher. Même les gars coûtent cher. C'est Cynthia qui nous envoie le message. Moi, j'ai tout donné par amour. Après, Taïo qui nous dit les bijoux, ça coûte cher. Un bébé coûte cher pour l'inconnu. Grave. Un sac à main que j'ai acheté à ma copine m'a coûté cher pour Moretti. Ah ouais. Le shopping pour elle coûte cher. Oh là, les bijoux. dommage. Un enfant et les gosses coûtent cher pour Chivers. Eh ben voilà. On y revient tout de suite. L'amour, l'argent, mais d'abord l'actu et le sport. Et le coup de pompe qui se poursuit et qui s'étend aujourd'hui. Plusieurs raffineries sont totalement bloquées ce matin dans le pays. C'est le cas à Notre-Dame. Jeu de mots parce que coup de pompe, tatata, derrière totalement bloqué, total l'essence. Bravo Rémi, trop fort. C'est le cas à Notre-Dame de Gravenchon, en Seine-Maritime, où la grève a été votée ce matin. Même scénario du côté du Havre, où le terminal pétrolier représente à lui seul 40% des importations françaises. 20% des stations-services sont à sec ou presque à sec à l'heure où l'on parle. La tension est montée ce matin, Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. La raffinerie a été débloquée au prix d'affrontements entre grévistes et forces de l'ordre. 7 policiers ont été légèrement blessés, des blessés également dans les rangs des grévistes, selon la CGT. Emmanuel Valls a appelé hier soir à ne pas céder à la panique. La panique qui risque de laisser la place à l'impatience dès ce soir dans les transports en commun parisiens. Des perturbations sont à prévoir, donc au niveau des transiliens et des RER B, C et D. Début de la grève à 19h et qui sera principalement active demain et jeudi. La CGT appelle les agents parisiens à une grève illimitée à compter du 2 juin. Si ça se fait, eh bien, il n'y aura plus d'essence, il n'y aura plus de métro. Je ne sais pas comment on va faire pour aller travailler. À pied. Oui, voilà, ça va être ça. Des fumigènes introduits malgré les fouilles, c'est ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France lors du match OM-PSG. Pas très rassurant, à quelques jours du début de l'Euro, une réunion a eu lieu hier autour du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour corriger le tir. Le président du comité d'organisation de l'Euro assure que les mesures de sécurité seront renforcées. 2 ans et demi de prison requis contre l'ex-superflic de Lyon, Michel Néret. Il est jugé, vous le savez, à Paris depuis 3 semaines. L'ancien commissaire est soupçonné d'avoir donné des infos, des indices en échange de cadeaux et d'argent. Il aurait également rétribué des informateurs avec des stupéfiants saisis par la police. Un système Néret mis au jour au cours des audiences qui s'achèvent donc aujourd'hui avec la plaidoirie de la défense. Et on parle sport maintenant avec Rami pour remplacer Varane en bleu et du nouveau à Lens et puis un peu de tennis aussi. Il pensait sa saison terminée, peut-être même partir tranquillou en vacances. Eh bien non, finalement, c'est en bleu qu'il sera pour les prochaines semaines. Adil Rami a été rappelé par Didier Deschamps chez les réservistes. Le joueur du FC Séville pourrait remplacer Raphaël Varane qui s'est blessé à la cuisse. Le sélectionneur ne prend pas de risque et attend de voir l'évolution de sa blessure. On parle désormais d'une absence sur 2 matchs contre la Roumanie et l'Albanie. Une nouvelle ère pour les Sang et Or. Le président du RC Lens, Gervais Martel, a confirmé hier la reprise du club par l'entreprise luxembourgeoise Solferino. On sait que cette société est proche de l'Atlético Madrid, ce qui pourrait apporter un vrai plus à l'équipe. 5 millions d'euros ont déjà été versés, histoire de finir l'année sans aucun souci. Aucun licenciement n'est à prévoir dans le staff. Et puis du tennis avec le tournoi de Roland-Garros. Les Français reçus 7 sur 7 hier quand la pluie s'est calmée. Gasquet, Simon Manarino, Chardy, Bourg se qualifient chez les garçons. Georges et Garcia décrochent leur billet chez les filles. Tout ce petit monde rejoint donc Benoît Paire pour le deuxième tour. Merci Rémi. Les infos, la suite tout à l'heure à 8h30, les 8h07 dans le morning sur Sky. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le morning de Difool. The morning show! En direct sur Skyrock. Eh ouais, bon mardi à vous, on est le 24 mai même. Et il est 8h07, ça veut dire qu'on va vous offrir 1 500 € maintenant, c'est l'heure de gagner de l'argent, 1 500 € à gagner. Si vous répondez Skyrock, et pour l'amour, il faudra plein d'argent, parce que je vois les messages que vous nous envoyez. Ah, ça coûte cher l'amour. Ouais, ce qui coûte le plus cher en amour, eh bien, on vous a demandé, vous nous répondez plein de choses. Le permis de conduire pour Major, qui a offert le permis de conduire à sa chérie. Major, 24 ans, c'est gentil. Ah ouais. Il y en a plein qui nous disent un divorce, ça coûte cher. Regardez, Nico, un divorce, ça coûte cher. Nico du 59. Le divorce coûte cher. À ta 26 ans, t'as déjà divorcé, toi. Oui, c'est bien noté. Le plus cher, c'est la pension alimentaire pour Spoonette. Oh, merde. Ouais, effectivement, vu comme ça, oui. Spoonette, qui est un garçon qui a 35 ans, qui est en Seine-Saint-Denis. La Saint-Valentin, les restos, les cadeaux pour Sabir. Tu nous fais une petite compile. Ah, puis toi, tu dois y aller chaud. Hein. Il y a Flavien qui nous a envoyé un message. Clément aussi. Les capotes, mon petit Difool, les capotes, ça coûte cher. Oh, bah, c'est parce qu'il coûte plus cher. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas donné. Oui. Ça dépend combien t'en consommes. Moi, je dis que ça devrait être gratuit. Ouais, c'est vrai, moi aussi je dis ça. Mais voilà. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, voilà proposition de mon programme présidentiel. Bravo, monsieur le président Romano. Merci. Bravo. Merci. Bon, je te nomme président des conseils pas chers déjà ce matin. Eh ben, dans un instant, je vais vous montrer comment se faire financer un rendez-vous par les familles. Eh oui, parce qu'un premier rendez-vous, ça peut coûter cher. Bah, si tu l'invites au resto, un ciné, une petite soirée derrière, c'est ça vrai. Va vite cher. Et tu fais pas le coup de la carte bleue lors du premier rendez-vous, Romano? Non, mais moi, de toute façon, le coup de la carte bleue, c'est au moment de payer, Romano. Oh bah, oups. Oh bah, elle est où? Mais elle est où ma carte bleue? Non mais tu sais que moi pour le premier rendez-vous genre avec Cariole, on a même pas fait de rendez-vous quoi, j'ai pas payé quoi. C'est dans la rue. Il est fort hein, quand même. Ah, non, c'était en boîte avec un pote qui a tout payé. C'est pour ça Romano que tu es le roi des conseils pas chers. Eh oui, le roi des pinces. Ce qui me coûte le plus cher c'est ma maîtresse, nous dit Saint-Otto. Ah, 34 ans en Haute-Garonne. On salue ta chérie officielle et puis ta maîtresse, on salue les deux, on les embrasse. Bonjour à toutes tes femmes. Ouais, et Kitam qui est... généreux comme tout, j'ai payé une bagnole à ma femme. Oh là là là. Ah bah pour qu'elle la foute dans le fossé, tu vois. Ouais, moi je lui ai acheté plein de cadeaux et elle m'a largué. C'est oh pauvre. Ça, c'est pas bien. Ah ouais, ça c'est vraiment pas de chance. Bah écoute, t'es fait couiller. Exactement, tu en trouveras une autre là. Bah il faut espérer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les 1500 euros et on fait les conseils pas chers derrière. Vas-y, allez, pas de soucis. 1500 euros. 1500 euros. C'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Et tous les matins sur Skyrock, de l'argent à gagner pour vous. Il suffit de répondre Skyrock quand on vous appelle. C'est, j'espère, ce qui va se passer maintenant. Hier matin, ça tombait chez Nicolas. On va voir chez qui ça va tomber ce matin. J'ouvre l'enveloppe et on file dans le morning et en direct chez quelqu'un qui habite à... Attention... Peltre, voilà. À Peltre. J'ai du mal à le lire. C'est dans le 57 qu'on va aller. Et on file chez Abdelkader, Mehdi Abdelkader. Donc chez les Abdelkader ce matin. Bonne chance les Abdelkader, 1500 euros pour vous. À Peltre. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Oh désolé, on est sur la messagerie. Ben oui, mais on va pas laisser de message. Bah non. Bah, et c'est dommage qu'il y ait pas ce qu'il y a un rug dessus, parce que ça marche. Hein. Oui, sur le réseau. Ah, attention, a priori ça ressonne. Allô. Ah, Abdel. Non, Mehdi. Ah, pardon, Mehdi. Enfin, c'est la famille Abdelkader. Excuse-moi. Bonjour, Mehdi. On a eu du mal à te joindre, mais on a bien fait d'essayer un deuxième coup. Hein. C'est la radio, Mehdi, au téléphone. Oh, ah, bah voilà. Effectivement, mais franchement, on a bien fait de rappeler. On a bien fait, ouais. Et bah, désolé pour Mehdi. Une grande réussite. Oh mince. Eh, on aura tant... au moins, on n'a pas de regrets. Non, mais c'est vrai, ouais. On a tout fait ce qui était en notre pouvoir. Désolé pour Mehdi, on garde le chèque pour le prochain coup. Vous répondez Skyrock et vous gagnez 1500 euros cash. Le morning de Difool sur Skyrock. Les shows. Premier sur le cash. Bah la preuve, dans un instant, les conseils pas chers après les 21 Pilots. Et là, ça va rentrer cash. Ouais, j'espère pour toi. Ah bah moi, j'espère aussi, ouais. C'est le morceau qui termine par Make Money. Il est pour toi, ce morceau. Merci. Je te dédicace, Mano, à 8h11. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older, all my fears would shrink. But now I'm insecure, and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. Blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space but now they're laughing at our face singing to make money, yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Ouais, tu vois, Make Money, c'est la fin de 21 Pilots sur Skyrock. On va retrouver Stromae et Papa Outé. Il est 8h13, on va parler de l'argent. L'argent qui est parfois nécessaire pour séduire. Moi, ça me choque parce que l'amour, logiquement, devrait être loin de tout ce qui est argent. Ouais, mais bon, c'est vrai que des fois, il faut allonger un peu, quoi. Ouais, 9 hommes sur 10 avouent qu'avoir une aventure coûte cher. Et 30% des femmes disent la même chose. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus généreux que vous, les filles. Je suis désolé, c'est le sondage du jour, là. Je suis tombé dessus ce matin. Non, mais c'est vrai que dans le principe, les femmes, elles sont pas chères à répondre ça. En général, c'est toujours l'homme qui paye. En tout cas, lors du premier rendez-vous. C'est bien, c'est comme ça. Après, il y en a qui disent c'est pas l'égalité des sexes. Ça fait plaisir de faire plaisir, hein, Romano? Bah, j'ai fait des plaisirs à Carriole. Donc c'est gratuit, ça va. Il y a Vincent qui est au téléphone en direct de Roissy-en-Brière, en direct avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Il y a une meuf qui fait la voiture derrière. Alors Vincent, toi, l'amour t'a coûté cher, tu nous as dit. Très cher même. Pourquoi? Alors pourquoi? Bah c'est tout simple. C'était un week-end, j'étais chez moi à Roissy, hein, comme d'habitude. Puis, ma copine, je lui dis, je lui dis, on va se faire un resto, donc on y va et tout. Donc, je paye la première partie de notre resto. C'est bien, Vincent. Bravo. Voilà, je fais le mec galant, on paye. C'est bien. Et donc, du coup, je paye. Et je lui ai dit. Mais tu payes combien de fois, toi? Toi, t'es trop généreux comme mec. Et je paye et je repaye. Je serais une meuf, moi, j'appellerai tout de suite à Sky. Je veux le numéro de Vincent. Donnez-moi le numéro de Vincent. Le mec paye. C'est comme Rihanna à voir, quoi. paye. Et au final, t'as déboursé combien pour la première soirée? Les collègues. Les collègues, ils sont déjà bourrés. Combien t'as dépensé? Oh non! 50. Et tu te trouves généreux. Ah bah grave. Je m'attendais à un truc, j'ai dépensé 5000 euros, tout ça, c'est la folie. Ah, 5000 euros pour un resto là, tu bouffes le resto entier quand même. Oui, tu le rachètes même d'ailleurs. Hein. Alors un autre sondage bien intéressant. Ah. Préférez-vous sortir avec quelqu'un de riche? la question. Mais attends, les hommes ont répondu oui à 33%. On est correct. Ouais, 33%, ça fait un tiers. Ah, par contre, les femmes, 82%. C'est pas vrai. Oh. Voilà. Donc, les filles, vous aimez les hommes riches. Oh, ah, bah oui. Pas moi. Bon, merci, Vincent. Et Romano, tes conseils pas chers, qu'est-ce que c'est que tu vas faire? Bah, le problème, c'est que j'ai envie d'emmener. T'en parles bien ce matin. Qu'est-ce que c'est que tu vas faire? Je n'ai envie que d'emmener. j'ai envie d'emmener ma chérie pour une soirée de rêve, resto, tout, hôtel. Par contre, j'ai pas assez d'argent. Je vais demander un financement aux familles. Eh bien, c'est parti. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Go, on y va pour les conseils pas chers. Quels sont les numéros que tu nous as sélectionnés, Cédric? Là, on va chez Francisco. Bonjour. Merci, Cédric. Bravo, Cédric. Oh là, c'était. On n'ira pas chez Francisco. Non, mais comme on dit, t'as le nez. Ouais. En général, c'est à moi qu'on le dit, mais bon. Chez qui on va là maintenant? Roger et Daniel. Roger et Daniel. Ah, merci Roger, merci Daniel. Merci Roger et Daniel. Alors, allô, oui? Oui, bonjour, c'est Daniel? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci, vous? Eh ben, ça va bien, Roger, il est dans le coin? Non, je ne sais pas, je suis à Saint-Lambert et lui, il est déjà à Ribeauvillé. Ah, donc, bah, je ne sais pas quand il vient. Parce qu'en fait, du coup, j'avais vu avec Roger, là, hier. Parce que ce soir, là, j'ai rendez-vous avec une petite gonzesse, là. Je voulais l'emmener au restaurant, puis après à l'hôtel. Le problème, c'est qu'il me manquait 200 euros. Et Roger m'avait promis qu'il me les prêterait. Enfin, je sais pas moi. Bah, le mieux, je pourrais peut-être passer directement. Vous êtes qui, Jean-Louis? Comment? Jean-Louis David, le coiffeur. David? Oui. Jean-Louis David, oui, le coiffeur. Oui. Vous avez sans doute vu mon salon de coiffure en centre-ville. Oui. Oui. Colmar. Eh ben à Colmar, oui, exactement. Bah oui. Ah ben, j'en ai un peu partout, mais à Colmar, j'en ai. Oui. Et du coup, là, ce matin, je vais passer récupérer les 200 euros. Ah ben, je sais pas. Je crois qu'il est déjà parti dans les vignes. Hein. Ah ben, il va falloir qu'il revienne. Hein. Ça, je sais pas. Bah, et ou sinon, toi. Je peux pas le joindre, il a pas de portable et rien. Ah, bah, toi, tu peux me prêter les 200 euros et puis après, tu vois avec lui. Non, moi, je prête pas, je sais pas qui vous êtes. Ah, bah, écoute, comment on peut faire? Je vais passer puis on va voir ça ensemble. D'accord. Ah, bah, okay. Nickel. Ah, bah, je suis là vers 8h30. Oui, ok. Ah, fais chauffer le café, prépare les 200 balles. Hein. Merci. Voilà, du café, 200 balles. Ah, voilà, bien joué. Il a fait Kiro, là, il faut forcer un peu la main. Roger, lui, il est déjà en train de se pochetronner dans les vignes à 8h18. Ah bah il bosse. Pas le temps. Ah bah il bosse, il picole le Roger. Bon bah voilà un petit conseil pas cher. Faites-vous financer votre premier rendez-vous par une famille. Ah Carriole, ce week-end je vais te faire rêver avec les 200 euros de Daniel là. Et... Ah j'en doute pas. Ah tu vas manger vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. Il va t'inviter au McDo tout le week-end. Ah ouais, merci Romano. En passant peut-être par le kebab. Waouh. Ouais quand même. C'est le morning de Difool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Oh, vous avez reconnu? C'est Papa Outé, je vous l'avais promis. Voici Stromae sur Sky à 8h18. Et dans un instant, on vous offre vos téléphones. On va jouer à Info Mytho, l'iPhone 6S ou le Galaxy S7. C'est à gagner, c'est évidemment sur Skyrock dans le morning. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? You when you name the game, hide and sought you in every place. Search near and fought for your face, and realized you weren't in this race. And I ran for the finish line, hands falling to the ground, saw building in my mind, tears nearly had me drown. How I grew without you was a task never mastered. Tell me what's a father to a bastard? How'd you feel when you let me go? Who made you? I never know. All signs floating through my head say stop, stop, no you'll never go. So you should've told me that you never stay. Instead of slow pan and fade away, now my brain's being damaged and the pain can't be managed. And I never know what made you this way. So où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? Didn't even say bye bye. Didn't even say bye bye. Didn't even say bye bye. Didn't even say bye bye. Didn't even say bye bye. Didn't even say bye bye. Didn't even say bye bye. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Stromae sur Skyrock, on écoutait Papa Outé, il est 8h22 et à 8h22 on va jouer ensemble pour gagner vos téléphones, l'iPhone 6S ou le Galaxy S7. Tous les matins on vous offre vos téléphones sur Skyrock, c'est pour vous. Ouais. Et après vous pourrez télécharger votre appli Skyrock, nous écouter tous les matins, tous les soirs, toute la journée, en profiter. Pour gagner les téléphones c'est simple, une petite question de sélection, on va jouer à Info ou Mytho tout de suite. Info ou Mytho avec, tiens, un étudiant dont on va parler ce matin. Est-ce que vous êtes déjà fait renvoyer de cours? Oui. Oui, bah oui. Oui, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Renvoyé de cours. À cause d'un problème dont on va parler maintenant, ça je suis pas sûr. Un étudiant qui se fait renvoyer de cours, ok, mais renvoyer de cours à cause de l'odeur de ses pieds, est-ce que c'est une info ou un mytho? Ça m'est déjà arrivé. Ah non, ah, jamais. Cédric, c'est toi l'étudiant. Non, je te jure, ça m'est jamais arrivé. Jamais? Non. T'as, c'était sympa avec toi. Il se faisait direct renvoyer du bahut, lui, pas des cours. non, vous ne rentrez pas, monsieur. C'est fini. Alors, info ou mytho, vous nous laissez vos réponses au 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Vous envoyez ça avec vos numéros de téléphone, n'oubliez pas vos numéros. Et dès que vous entendez mon top, vous pouvez nous canarder de messages. En écrivant info si vous pensez qu'un étudiant s'est vraiment renvoyé d'un cours de philo à cause d'odeur de ses pieds. Ou alors mytho si vous pensez que c'est pas vrai du tout cette histoire. Allez-y, 41-759, appli Skyrock, on vous retrouve tout de suite. Je vous donne mon top maintenant. Allez-y, top officiel, vous pouvez tout faire péter. 8h23 sur Skyrock. Vite chérie, fais de la place dans le chariot. Ah passe à l'opération gros volume chez Netto ? Oui, jusqu'au 5 juin, il y a 40% de remise immédiate sur le lot de 2 packs de lessive liquide Total Extra. Ah oh bah, ça c'est du propre. Netto, le discounter qui fait la différence. 7,74€ le lot de 2 x 3 litres 01, soit 6 litres 02, soit 1,29€ le litre au lieu de 2,14€. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non ? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Miniservice. Jusqu'au 15 juillet 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Anti-Vichère fait un retour fracassant chez Intermarché. Et cette semaine, pour l'achat d'une lessive Skip Active Clean à 8,99€, la deuxième est offerte. Eh oui, la deuxième est offerte. Intermarché, tous unis contre la Vichère. Du 24 au 29 mai, magasin participant sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Le escroc est de retour avec un nouvel album. Quoi de neuf, c'est ce bon vieux feu. Nekfeu, Mekra, Dezer et Framal reviennent avec Destin Lié, leur nouvel album. Je les connais, j'aurais pas dû. Jamais de la vie, mais je trahis. Celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Le escroc. Je déconne, j'aurais pas dû. Destin Lié, le nouvel album du escroc. Dans les bacs le 17 juin. Leclerc. Philippe, c'est quoi toutes ces bières Heineken ? Quoi ? C'est juste 2 packs de 24 bouteilles de 25 centilitres de Heineken, c'est pas non plus... Bah ça commence à faire quand même ! Oui, bah en ce moment chez Leclerc, pour l'achat de 2 packs de 24 bouteilles de Heineken, 40% de remise immédiate. Ah, ok. Du 18 au 28 mai chez Leclerc, les 2 packs de 24 bouteilles de 25 centilitres d'Heineken, édition limitée, avec 40% de réduction immédiate, sont à 15,24€, soit 1,27€ le litre après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et puis c'est de la Heineken, une bière de qualité. Breakdown. Alain Afflelou, ça y est, c'est parti l'été fou ? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1€ de plus ? Oui. Et la troisième paire ? Pour vous ou pour qui vous voulez ? C'est fou ! C'est fou, c'est Afflelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1€ de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Carrefour Market. Alors, voyons voir si vous êtes bon en géographie. Dans quelle région à l'est du Rhône peut-on entendre les cigales ? La Provence, Michel. Et jusqu'au 29 mai chez Market, pour une bouteille de Côte de Provence Rose des Sources achetée, la deuxième est gratuite. Ah, en plus, vous êtes doué en économie. Oui, et c'est valable sur d'autres produits de marque. Tenez, je vous donne votre diplôme. Carrefour Market. La bouteille de 75 centilitres, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. 8h26 sur Skyrock, on joue à Info Mytho, c'est l'heure de gagner vos téléphones. En direct de la part, c'est le morning de Difool sur Skyrock. The morning show. 6h-9h tous les matins. Ah ouais, vous avez répondu à ma question sur l'étudiant qui se serait fait renvoyer d'un cours de philo à cause d'odeur de ses pieds. Et oubliez pas vos numéros, je dis ça pour les nouveaux qui nous rejoignent tous les matins. Tiens, un mytho de Strasbourg qui dit super Skyrock sur Trace. C'est vrai qu'on est arrivé il y a pas longtemps à Strasse. Salut à toute l'équipe, la réponse est info. Eh, t'as pas laissé ton numéro de téléphone. N'oublie pas la prochaine fois. Amito, salut tous les Strasbourgeois qui nous écoutent. Bonjour l'Alsace, bonjour la France. Ouais, bonjour tout le monde. Et bonjour à Laura de Poitiers, salut Laura. Bonjour. Bonjour Laura, t'as 22 ans et t'es poitevine. C'est ça. Et tu as la bonne réponse. Alors est-ce que c'est vrai ce que j'ai raconté il y a un instant, un étudiant qui se fait renvoyer d'un cours de philo à cause de l'odeur de ses pieds? Eh ben oui, c'est vrai, il puait tellement qu'il a dû se faire renvoyer. C'est vrai, ça s'est vraiment passé. Il a d'ailleurs porté plainte parce qu'il a trouvé ça complètement injuste. Oh ben alors. Mais le tribunal... En même temps, il avait qu'à se laver. Hein. Oui, le tribunal d'ailleurs a estimé que le fait d'avoir des pieds malodorants n'était pas une excuse valable pour se voir interdire l'accès à l'université et aux cours. Donc il peut retourner en cours, le gars. Ah, ah bah ouais. C'est bien, tant mieux. Et voilà. Dommage pour les autres. Oui, ça, c'est bien triste. Préparez les masques à gaz, ouais. Bon courage en tout cas si vous avez des amis qui sont malodorants. On vous salue puis on vous embrasse. Voilà, coucou. On n'embrasse pas vos amis par contre. Laura, tu es qualifiée pour Info ou Mytho. C'est parti, tu vas jouer avec d'un côté Cariole, ouais. De l'autre côté Romano. Ils ont aussi d'accord. Un truc à te raconter. Fais le tour de l'actu du monde sur Skyrock là maintenant. C'est parti. Ok. Et, et on te souhaite bonne chance. Info, Mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. Et on commence avec Romano. Alors moi, il y a une start-up américaine qui vient de lancer un nouveau produit médical. C'est le premier suppositoire connecté. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du support, à l'intérieur du suppositoire, il y a un petit système électronique qui s'autodissout une fois que tu l'as mis à l'intérieur, ouais. Mais qui t'indique si le suppositoire a été bien positionné dans le derrière. Oui, je suis bien rentré. Et ça t'a dit qu'au fur et à mesure, sur ton écran de ton smartphone, ouais. L'état d'avancement de la dissolution de, du bordel. Du suppos. Voilà, du suppositoire. Oui. C'est tout noir à l'intérieur. Ah. Oui. C'est normal, c'est un trou du cul. Hein. Je remonte. Et en fait, ça t'indique s'il est bien positionné, si ça fera bien effet pour le traitement que tu as à prendre. Info ou mytho ? Suppositoire connecté pour Romano et l'info de Cariole. Alors moi, on part en Australie. En Australie, chez les kangourous. Chez les kangourous, c'est un Australien qui est tombé en fait en amitié avec un caddie. Oh, il est tombé amoureux d'un caddie. Oui, il l'a trouvé devant chez lui et en fait, il l'a dressé pour sortir le chien et il met des chaussures à son caddie et tout et en fait, ils ont une relation d'amitié tous les deux. Le caddie, le maître et le chien. Comme c'est magnifique. Mais wow. Oui, très il bien. Est bien arraché. Bienvenue chez les dingues. Non, mais n'empêche qu'on est content qu'il soit en Australie. Eh bien, écoute, entre le suppositoire connecté et l'autre taré qui est tombé amoureux d'un caddie, je ne saurais que choisir, Laura, mais bah, ouais, c'est à toi de jouer. Un peu dur. Moi, je dirais Romano Info et Cariole Mytho. J'aurais dit l'inverse, parce que l'autre avec le caddie, ouais. Ça pour l'inventer, il faut être fort quand même. Ah, ouais. C'est clair. Tu as bien le suppositoire dans le cul. C'était quand même. Je suis dans l'estomac, je remonte. C'est une start-up américaine quand même. Quand même. Alors, qu'est-ce que t'as dit, Laura ? Vas-y, redis. J'ai dit Romano Info et Cariole Mytho. Est-ce que c'est bon ? Eh bien, non. J'avais raison alors. Une fois de plus. J'avais raison, ah là là. Eh non. C'est pas le suppositoire connecté, c'est pour vous les filles spécialement. C'est quoi ? C'est le premier tampon hygiénique connecté. Non. Oh non ! Alors, il y a l'application qui va avec et ça vous indique alors en pourcentage. Si votre tampon est plein ou pas. Il est plein. Si vous le devez le changer. Et il y a également des graphiques pour comparer vos règles selon les mois. Vous faites des statistiques, c'est un intéressant, truc de dingue. Ça. Je me noie. Et donc voilà, ça arrive, c'est le tampon hygiénique connecté. Ah merde, Laura. Bon bah dommage. Qu'est-ce qu'on va faire, Laura ? On va t'offrir ou ton jeu au choix sur ta console préférée ou alors ton maillot au choix de ton équipe préférée. Ouais. Tu choisis ce que tu veux, Laura, tu prends tout ce que tu veux. Ouais, tout. Moi j'aurais préféré le téléphone, bien sûr. Je sais, Laura. Bien tenté. Non mais tu peux revenir pour le téléphone quand tu veux. En jeu, je vais prendre. Je sais pas, j'ai aucune idée. Bah, on te laisse voir au standard avec Cédric. Oui. Ok, ouais. Ça marche. Tu en as de la chance, tu vas avoir une conversation magnifique avec Cédric, ça va être super. Bah, on te fait un gros bisou, Laura. Et reviens jouer avec nous quand tu veux. Hein. Gros bisous. Gros bisous. Bisous, bisous, Laura. Ciao. 8h30 sur Sky dans un instant. Il y a Justin Timberlake qui arrive avec le nouveau Justin. C'est Can't Stop the Feeling. Juste après les infos de Rémi, parce qu'on va faire un point sur l'actu là. Et donc le mec est vraiment tombé amoureux d'un caddie. Ça c'est un caddie de supermarché là. Exceptionnel. Ouais, ouais. Il s'appelle Trevor et il y a des photos où il met des baskets et tout. Trevor. Peut-être les mettre. Ah ouais, les photos. On va vous les mettre sur tous les réseaux. T'as raison, Cariole. Ah. Le caddie avec les baskets, l'ami de Trevor. C'est non, c'est Trevor. Le caddie s'appelle Trevor. Ah pardon, excuse-moi. Voilà. Et pourquoi et tout. Bah oui, non, pourquoi il l'attache à la machine à non, mais surtout là. Pourquoi le mec est toujours en liberté. Oui, c'est vrai. C'est tout ça qui est inquiétant. On demande ça aux Australiens. Bon, on fait le point sur la météo tout de suite. Rémi, le temps du jour, quel temps va-t-il faire aujourd'hui ? Eh ben ouais, ben le retour d'un temps plus calme et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le soleil fera enfin de belles apparitions partout et principalement sur le sud-est, entre les Alpes et la Côte d'Azur. Les températures ce matin comprises dans le nord entre 6 et 10 degrés, 9 à Lille et à Paris, de 4 à 14 dans le sud, 9 à Lyon et 12 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 14 à Cherbourg, 16 à Lille, 17 à Dijon et à Rouen, 18 à Orléans, 19 à Brest et à Paris, 20 à Nantes, 21 à Marseille, 22 à Toulouse et 24 à Biarritz. Et puis la pollution, ça reste acceptable, les indices compris ce matin entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Avignon, Marseille, Toulon et Nice. Tiens, on va mettre une profession à l'honneur ce matin. Tiens, dites-nous, qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Ou alors, qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Bah, c'est un boulot. Hein. De la radio, moi. De la radio, c'est bien noté, Romano. Et tu fais des arnaques. Tu disais, j'allais des le dire. Arnaques, et un peu d'escroquerie aussi. Des heures perdues, des arnaques. Là, j'aime bien savoir ce que vous faites. Allez, dites-nous, vous nous laissez vos messages, on mate tout ça, puis on va voir si vous faites partie du métier mis à l'honneur ce matin. Avant 9h du matin, on s'en occupe, juste après les infos de Rémi, tiens. 8 raffineries sur 8 en grève ce matin, c'est la totale. Voilà, c'est la CGT qui l'annonce il y a quelques minutes. C'est donc toute la production qui est à l'arrêt, que l'on veuille ou non. Eh bien, la situation ne s'arrange pas. Ambiance tendue ce matin, fosse sur mer dans le sud du pays. Les forces de l'ordre, elles sont intervenues pour débloquer la raffinerie et le dépôt pétrolier, mais les salariés restent en grève. Une dizaine de camions-citernes n'ont plus tout de même accédé au site. 7 policiers sont légèrement blessés, selon le préfet, après avoir essuyé des jets de projectiles. Les responsables syndicaux évoquent une scène de guerre et affirment qu'il y a eu des tirs de flashball sans sommation. 2 stations-service sur 10 sont vides ou en grande difficulté actuellement. Une situation qui risque de s'aggraver tout au long de la journée. Manuel Valls a appelé appelé hier soir à ne pas céder à la panique. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, demande de laisser avancer la France qui travaille. La France qui travaille, qui risque aussi de ne plus pouvoir prendre le métro à partir du 2 juin. La CGT appelle les agents parisiens à une grève illimitée. Objectif, demander l'ouverture des négociations salariales et dire non aussi à la loi travail. Des perturbations sont à prévoir dès ce soir au niveau des Transiliens et des RER, B, C et D. Début de la grève à 19h, ça concernera principalement, vous l'avez compris, les usagers franciliens demain et jeudi. Deux jours pour tout savoir, les familles et proches des victimes des attentats de novembre dernier sont reçus par les juges en charge de l'enquête. Plus de 1000 personnes sont attendues à l'école militaire de Paris. Certains risquent de ne pas avoir toutes les réponses à leurs questions en raison du silence de Salah Abdeslam. L'Autriche résiste, c'est en une du gratuit 20 minutes ce matin. L'écologiste Van der Bellen a finalement été élu président après un bras de fer très serré contre l'extrême droite. Ce sont les votes par correspondance qui ont fait la différence. Les deux candidats terminent avec seulement 31 000 voix d'écart. Et on parle maintenant de foot avec Van der Ville qui se lâche après son départ du PSG. Ça bouge à Reims aussi. Et puis la Pro A, on fera un petit peu de basket alors. Ouais, il règle ses comptes avec Laurent Blanc. Van der Ville, vous le savez, ne jouera pas au PSG la saison prochaine. Les dirigeants n'ont pas souhaité reconduire son contrat. Une expérience amère pour le Néerlandais qui critique ouvertement son ancien coach était sur Eurosport. Il ne comprend pas pourquoi il a été mis en concurrence avec Serge Aurier alors qu'il a toujours tout donné pour être au top. Le latéral affirme que Laurent Blanc n'a quasiment aucun contact avec ses joueurs, communication zéro, et qu'il ne lui a jamais expliqué pourquoi il n'était pas son choix principal sur le terrain. Du nouveau à Reims, l'ancien coach de Nantes, Michel Derzakarian, arrive au stade de Reims. Les Rémois viennent d'être relégués en Ligue 2 et rêvent déjà d'une remontée. Le nouveau coach a signé pour 2 ans, alors que du côté de Nice, eh bien, c'est Claude Puel qui devrait re-signer. L'annonce sera faite aujourd'hui du côté de chez les Aiglons. Et puis du basket avec les demi-finales des play-offs de la Pro A. Strasbourg a dominé Le Mans 80 à 77. Les Alsaciens mènent les débats 2-0. Merci Rémi. Il est 8h35 sur Skyrock. On met un métier à l'honneur ce matin. Attention. Aujourd'hui, c'est mardi. Et c'est le morning de Difool. The morning show. En direct sur Skyrock. Et pourquoi tu me regardes avec ces yeux d'amour, Romano? Non, mais je te regarde pas avec des yeux d'amour. Je sais, j'ai mon portefeuille qui est posé à côté de moi. Mais non, mais tu me fais des signes avec la tête. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Bah oui, mais tu me regardais tout bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, Romano? Non, mais c'est bon, tout est prêt. J'ai préparé Justin Timberlake. J'avais pas vu qu'il y avait mon portefeuille qui traînait à côté. Ouais, toujours. Putain, il était à chaque fois. Il est plein à chaque fois. Hein. Il est plein, j'ai 50 euros. Bah, tu sais, c'est ça de vivre dans l'opulence. j'ai 50 euros. Bah ouais, faut pas sortir sans rien, tu vois, un peu d'argent sur soi. C'est vrai. Bon, je vais d'ailleurs le remettre dans ma poche, c'est plus sûr comme ça. Donne-le-moi du fou, je vais te le garder. Non, mais toi aussi, j'ai pas confiance. Alors, vos métiers, les métiers que vous faites, je vous ai demandé ce matin, on va voir si vous avez le métier qu'on veut mettre, si vous faites le métier qu'on veut mettre à l'honneur ce matin. Raptou et Grutier. Salut Raptou, bonjour ami Grutier. Envoie-nous une photo tout en haut si t'es tout en haut. Ah ouais, c'est marrant ça. Tu reçois bien la radio quand tu montes comme ça. Bonjour à Ju, elle est notaire stagiaire, elle a 26 ans. Bonjour Ju, boulanger pâtissier pour Yo. Ah ouais, fidèle Yo, t'es là tous les matins toi. Y a Gilo 355, il est en formation agent cynophile. Ah, t'occupes des chiens. Ouais. Ouais. Salut à toi Gilo. Dis-les-Vilaine dans le 35, ouais. Je taffe au KFC pour Nous. Salut Nous. Il y a Lily GFH, je suis étudiante infirmière. Bonjour. Bah tiens, juste en dessous, il y a JP, un collègue ambulancier du SMUR. Ah, on est très écoutés dans les métiers de pour sauver la vie, ça m'étonne pas. Ah non mais attends, c'est hallucinant. Juste en dessous, Angèle, je suis secrétaire médicale. On a monté une boîte les trois là. Mais on cartonne nous avec. On a une infirmière, un ambulancier, une secrétaire médicale, monter une entreprise. Tu sais, c'est depuis que t'as fait ton intoxication alimentaire à cause de la crêpe à la bactérie. Ouais, c'est ça, et je signale que je suis également ulcéré. Il a léché depuis qu'il a fait son ulcère. Et on fait un gros bisou à Marie qui commence son nouveau boulot aujourd'hui. Tu dis pas ce que tu fais Marie, mais on t'embrasse très fort. Bisous Marie. Assistante maternelle pour Steph. Pour l'instant, j'ai pas trouvé le métier qu'on va mettre à l'honneur je dans les messages. Je suis conducteur d'engin. Ça, bon. C'est Max Ladouille. Je suis banquière, t'entends ça, Romano? Banquière. Ouais, ouais. Conducteur d'engin. Ah, il y en a plusieurs des conducteurs. Nous sommes très écoutés sur les conducteurs d'engin. Assistante comptable, ça devrait te plaire aussi pour Olivia. Yamosen, il est routier de la night. Agent de transit, conducteur de travaux dans la sécurité électronique, alarme, vidéo, etc. pour Scorky. Policier pour Benoît du 29. Il y a Sixi. Bon, il y a un paquet d'étudiants et d'étudiants de lycéens. Elle est vétérinaire. Quelle était quoi, tu dis? Sixi, elle est vétérinaire. Très bien. Vous avez vu, je fais comme si un message, Carion, elle va taper, elle va te manger la tête à propos de notre chien. Il y a Spike Eye qui a envoyé la photo de sa grue, là. Ah, super. Spike. Ah, il y en a plusieurs des grutiers, alors. Ah, ouais, Spike bien. Ah ouais, Théo, Spice Guy. Ah, ça fait peur. Salut, Spice Guy. Quand t'as une grue, c'est rarement au rez-de-chaussée, tu vois. Oui, c'est le concept. C'est... Ah ouais, c'est haut. Alors, ouais. Étancheur, plombier, prospecteur, chargé de recouvrement pour Nabila. Ah, ça, tu vas voir les gens et tu leur dis, vous devez des sous, faut payer. Ouais. Gréviste pour pour Kitam. Je suis psychologue. Ah, on a un psychologue. Une psychologue qui nous écoute. Agent porteur pour Guillaume. Ah, attendez, je cherche le métier qu'on va mettre à l'honneur ce matin. Hôtesse de l'air. Non. Médecin réanimateur pour Marmouze. Ah, Cédric du 59, il est éboueur, fier de l'être. C'est bien, bah heureusement que vous êtes là, les éboueurs. En plus, ça rapporte pas mal, les éboueurs, c'est pas mal. Agent de carrière, expert automoto. Putain, le nombre de métiers qu'il y a en France. Frigoriste. Prothésiste dentaire. Regarde, ah bah tiens, j'en veux bien une dent. Professeur des écoles, mais t'es pas en cours là? À 8h38, faut que vous aidiez tes élèves. Peut-être qu'il a pas cours là, à 8h, ouais. À 9. Bah, professeur des écoles, t'as cours tout le temps, non? Bah oui, non. Bah lui, il a décidé qu'aujourd'hui, non. D'accord, c'est bien noté. Fromagère, je vends des fromages de chèvre et de vache. Mmh. Salut à toi, Cindy. Chaudronnier. Et mon métier alors? Routier, ouais, bonjour les routiers. Banquière encore. Chauffeur-livreur. Ah, chauffeur-livreur, si vous avez des trucs à déplacer, mais on a ce qu'il faut. Hein. Ah ouais, les chauffeurs-livreurs, on en a plein. Oui, boueur aussi pour Crevette. Salut à toi, Crevette. Photographe, technicien de maintenance. Mais quel est le métier qu'on va mettre à l'honneur dans un instant? Je mate tous les messages parce que ça défile. On en trouve un et dans un instant, vous allez voir, on vous raconte une petite histoire qui concerne un métier, peut-être le vôtre. Restez bien là, il est 8h39. En direct de la part, c'est le morning de Difool sur Skyrock. The morning show! 6h-9h tous les matins. Et oui, on l'invite dans notre appart ce matin là, c'est Justin Timberlake parce qu'on reçoit des stars. D'ailleurs, Réveil de Star à pas louper sera à 8h50. Ouais, Can't Stop the Feeling, le nouveau. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Justin Timberlake, super morceau. Hein. Can't Stop the Feeling, découverte Skyrock à 8h43. Eh ben, c'est super de voir que vous allez bosser ce matin. Bonjour à ceux qui nous écoutent et qui ne vont plus en cours d'ailleurs, parce qu'on a plein qui nous laissent des messages. Moi, les cours, j'ai arrêté. Ah bah, je ne vais pas bosser, mais je vais réviser toute la journée. Ah bah, tu vas bosser quand même. Ah oui, alors. Ouais. Il y a plein qui nous ont laissé des messages. Là. Bonjour, Elcon qui nous laisse un message sur SMS. Je suis routier pour Yacht, je suis pauvre pour Inconnu, je suis chauffeur de bus pour Sopra Synthé. Salut Sopra Synthé, chez moi à Saint-Etienne. Ah, les chauffeurs de bus de la Stas, on vous salue. Il y a Amalish, il n'est pas ici à Courbevoie. Bah, emmène-nous un truc. Ah bah ouais, on est juste à côté. Et bah oui, notre appart, il est à Courbevoie. Amène-nous un petit. Un gland. Cédric. Toujours le gland. Le célèbre gland. Ah ouais. Tracy, agent d'entretien, on a eu plein qui nous ont laissé des messages. Je ne peux pas lire tous vos messages, mais c'est super, ça fait plaisir. Étudiant en musique classique et j'écoute Sky. Mais c'est bien parce qu'on a de la bonne, on a du bon son ici. C'est qui notre étudiante en musique classique? Catalana. Bonjour. Allez, Catalana. On va te passer un petit Mozart. Dans un... Elle a 18 ans. Mozart interprété par Floreida. Ouais, magnifique. Vous verrez, c'est super. Alarmiste, vendeuse en prêt-à-porter. On a plein de vendeuses aussi qui nous ont laissé des messages. Chauffeur livreur. Vous êtes presque numéro 1, les chauffeurs livreurs. Hein. Moi, je travaille en psychiatrie. C'est pour ça que t'écoutes Skyrock, Madeleine. Ouais, c'est bien. Très bien. Tu t'entraînes le matin avec nous. Là. Je suis directeur artistique, chef de production en sérigraphie. Oh. Babas. Aussi, Babas, 30 ans. Qu'est-ce que tu dis, Cariole? Stripteaser, Pariso. Ah, toi, tu revois. Tu vois, mais c'est une nana qui nous a dit aussi acteur porno. Tu l'as pas vu? Celui-là, je l'ai pas vu. Ah, bah, il y en a plein qui défilent. Regarde, regarde. Bon, le métier mis à l'honneur et le métier de Mehmet, le métier de David aussi, agent de sécu ce matin. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est tombé sur une petite histoire qui nous a fait rigoler ce matin. C'est un agent de sécu qui bosse en supermarché, vigile d'un centre commercial, qui a dû gérer une cliente légèrement hystérique, qui n'a rien trouvé de mieux quand elle s'est fait choper par lui de lui montrer ses seins. Ah bah voilà, ça pas comme tout. Bah, c'est donc, cool. Elle s'est dit, parce que bon, elle a volé un petit truc. C'est cool, ça dépend comment elle est. Hein. C'est vrai. Elle s'est dit, bon bah je vais essayer de l'amadouer. Je montre mes seins. Et hop, la poitrine. Et ben, ça n'a pas marché. En fait, elle est rentrée dans le supermarché avec, dans le centre commercial, avec une cigarette à la bouche. Ah évidemment, ouais, il ne faut pas fumer. Ah non. Ah bah non. Et donc, le vigile est allé la voir. Il dit, madame, il ne faut pas fumer. Elle est tombée en crise d'hystérie totale. Vous imaginez la tarée. Et... elle a quand même dit au mec, maintenant essaye de poser les mains sur moi et on se verra au tribunal. Oui, c'est ça. En fait, elle s'est dit, ouais, il va me toucher, donc je porte plainte après. Heureusement, le vigile, il a été malin, ça n'a pas marché. Ouais, c'est ça. L'agent de sécu n'était pas si bête que ça. On va faire un petit test ce matin. Oh, j'adore les agents de sécu. Et vous l'entendez, elle est là avec nous, la belle, la séduisante, la sexy. Sympathique et sexy, Pamela. Exactement, wow. C'est tout moi. Voilà, ça y est, elle est là. Je suis là. Dis bonjour à toute l'équipe, Pamela, parce qu'on te retrouve régulièrement le soir dans la radio libre. Le matin, tu viens nous rendre visite parfois, mais regarde, tout le monde est là, toute l'équipe du morning. Bonjour Cariole, bonjour Rémi, bonjour Karim, bonjour Difool. Salut Pam. Et moi. Mais tu as oublié Cédric. Je suis là, Pamela. Ouais, t'es là, ouais. Oh, je suis là, coucou. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un mauvais contact ouais, entre vous, toi et Cédric. Il est là. Oui, il est là. Bah, il reste là. Bah oui. Ouais, je reste là. Tu pourrais pas se tourner un peu? Tu peux pas te tourner, Alvin. Parce qu'elle te trouve plus beau de dos, Cédric. Je bouge pas. Cédric, il y a quelqu'un qui t'appelle, je crois, dans la pièce du fond. Bon, Pamela, on fait le test, on appelle donc des agents de sécu, des vigiles. Et je leur montre ma poitrine. Et ouais, t'essayes de les chauffer ce matin. Pas de problème. C'est parti, c'est Pamela à l'assaut des centres commerciaux. Attends ton jingle, Pamela. Ah bah évidemment. Je vois qu'il est installé, vas-y, appuie sur le bouton. Elle est blonde, ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que trois doigts. Trois doigts. Elle travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Oui. Alors, Pamela, tu as réussi à appuyer sur le bouton du jingle avec tes trois doigts. Quel doigt as-tu utilisé? Bah, j'ai utilisé mon index. Magnifique. Il m'en reste un sur deux, à peu près. C'est bien. Alors, on appelle donc des vigiles. On est où, là? Je sais pas. Ah ben, merci de l'indication. On est chez Majeure Sécurité. Ah. Allô? Attends. Attends, Pamela, je sais que tu es très chaude, mais attends. Ah, je suis une véritable chaudière. Une chaudière, c'est ça, ouais. Une chaudasse. Mmh. Allô? Ouais. Allô? Allô, la sécurité? Non, il n'y a pas de sécurité ici. Ah, t'es pas agent de sécu, toi? Ah non, pas du tout, là. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Bah, je te réponds. Ah bah, c'est gentil. Voilà, bonne noire. Eh, ça te dirait pas que je vienne te voir et que je te montre ma belle poitrine? Oh là là, ça va être chaud, voilà. Ah, j'ai envie de me faire tâter ce matin. Oh la vache, dis donc. Ah ouais, la vache. La vache, ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Ah ouais, j'ai une poitrine de vache. Elle a des pis, Pamela. Ah ouais, des beaux pis tout roses. Il a résisté à la tentation. Bien. C'est pas ce qu'il loupe. Oui. En tout cas, il fait bien son métier. Bravo. Faut pas se laisser amadouer si vous êtes agent de sécu. Hein. Par contre, Cédric, on t'a demandé des agents de sécu. Ah, c'est ça. C'est Victorien, bonjour. Quoi. Oui, bonjour, c'est Victorien. Oui. Oui, bonjour, excuse-moi de te déranger, c'est Pamela, là, pareil. Oui. Et je t'ai croisé dernièrement, là. et tu m'as terriblement excité mes seins. J'ai les tétons tout durs. Ah, et puis. Tu veux que je te les fasse écouter? Ah, ils sont durs. Ah, ils sont durs. Ah, effectivement. J'aimerais que tu me tâtes la poitrine. Je peux venir te voir ce matin, Victorien? Lui aussi, il est sérieux. Bien, bravo. Mais pour c'est l'instant, pas possible. Notre test fonctionne, il résiste. Et je sais pas comment ils font, mais il résiste au charme de Pamela. Voilà, moi je résiste plus. Oui. Mais ouais, c'est... si, si, t'inquiète. Ouais, bah retiens-toi, ouais. Ouais, retiens-toi, puis t'es pas agent de sécu, tu marches pas dans notre sondage, Cédric, là. Non, tu marches pas. Alors. Ça sonne. Non, mais ça, j'entends. Je suis pas complètement débile, Cédric. J'ai deux oreilles, j'écoute Skyrock, j'entends, ça sonne. Tu dis alors. Ça sonne où? Ça sonne où? Là, chez Major Sécurité. Voilà, dans ma tête, ça sonne. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Ça sonne. Qu'est-ce que tu fais, Bécasson? Parle bien, toi. Allô? Tu te tais. Allô? Ah, oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est l'agent de sécu? Tu es agent? Tu es agent de sécurité? Non. Non? Tu es quoi, toi? Je suis gérant de société. Ah, bah c'est bon, moi j'aime bien les gens qui ont du fric. C'est Pamela, là, pareil, je suis modéliste et j'ai envie de te montrer ma poitrine ce matin. Est-ce que je peux passer te voir à ta société? Dans ton bureau? Je me mets nu, on se caresse les organes. Oh. Oui. Les organes. Oui, les organes. Bah les organes, tu me touches la poitrine et puis la moule, quoi. Oh. La moule. J'ai une belle moule. Mais... Ah. C'est peut-être pas l'heure de la marée. Ah si, bah ça sent la marée, t'inquiète. C'est la marée. C'est l'heure de la marée. Dans ma culotte, la marée est basse. C'est là où ça sent le plus fort. Ah bah oui, j'imagine. Oui. Ah bah, j'arrive dans 10 minutes, je te fais sentir tout ça. Voilà, bah écoutez, moi je vais sortir les algues et je vais ouvrir les huîtres. Ah bah nickel, bah je suis là dans 10 minutes mon chéri. D'accord. À tout de suite mon gérant de société, mon amour. I love you. À tout de suite, beauté là. Bravo Pamela. Bravo. Le seul truc, c'est que Cédric, quand t'avais demandé les agents de sécu, toi tu chopes un gérant de société. Ça nous aura au moins permis de voir que les agents de sécu sont plus professionnels que leur patron. Ah c'est oui. Vrai. Mais le patron, il n'a pas résisté. Ça me dérange pas, un patron. Ouais, ça t'arrange peut-être. Ah ouais, c'est clair. Je vais lui faire goûter ma marée basse. Bon, bah bon courage en tout cas si vous allez au boulot. Bonjour les pompiers, les cuisiniers, les dealers. Ah, Johan, mon taf, c'est dealer, bien sûr. Les auxiliaires de vie sociale auprès de personnes handicapées comme Débo, tu fais un beau métier, Débo. Les tuyauteurs dans les stations d'épuration, c'est TMP qui fait ça. Les préparatrices en pharmacie pour Mimine. Bonjour. Ah tiens, une tatoueuse. On n'avait pas eu ça depuis tout à l'heure. Célia, la tatoueuse. On t'embrasse, Célia, professeur de pole dance, coiffeuse. Bonjour à Marie, la coiffeuse. Et surtout, bravo à toi, Pamela. On te fait un gros bisou, Pamela. Eh bien, gros bisou à toute l'équipe. On bisous. Te rappelle très très vite. Puis je te rappelle que cette semaine, on tente de te choper un rendez-vous en live dans la radio libre. Tu vas rencontrer un homme, un vrai, en direct entre 21h et minuit. Je sais, c'est Jean-Claude, alias Menu. Oui, un gars qu'on a rencontré sur des réseaux, Jean-Claude à la Nunus, il est chaud pour avoir une relation en direct avec Pamela. Mais il ne sait pas qu'il est en direct. Ah ouais, ton Nunus. On va s'occuper de lui. Donc, loupez pas la radio libre ce soir. Ah, oh, j'ai hâte. Bonjour aux taxis, aux Uber aussi qui nous ont laissé des messages. Et attention, à 8h51, on n'est pas très en avance. Hein. On va retrouver dans un instant le réveil de star. Eh ouais. Réveil de star du jour et puis l'horoscope dans moins d'une minute. Allez, l'horoscope. Et Florida aussi qu'on avait promis pour My House. C'est sur Sky. Alain Afflelou, ça y est, c'est parti l'été fou? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 euro de plus? Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez? C'est fou. C'est fou, c'est Afflelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Leclerc. Oh Philippe, elles sont magnifiques ces roses. Évidemment, ce sont des roses de chez Leclerc. Non mais elles sont vraiment très belles. Je sais. Elles sont pour qui? Ah, faut voir ça avec les enfants. Ils m'ont parlé de la plus belle des mamans. Et je la connais? La plus belle des mamans? Oh oui. C'est parce que les petites attentions font toujours plaisir que du 25 au 28 mai chez Leclerc, le bouquet de roses quartier fleurs de 30 tiges de 40 cm est à 7 euros. 20 modalités dans les magasins participants. J'ai promis aux enfants de les attendre. Mais c'est pour moi? La plus belle des mamans, c'est qui? Oh, c'est mignon. Ouais, ouais, c'est dimanche, la fête des mères, là. Faut pas louper, hein. Attention. Eh ouais. Et l'horoscope de l'amour, c'est tout de suite. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce mardi 24 mai, vous allez tout savoir. Nous aussi, puissance amoureuse de tous les signes, calculée sur une échelle de 0 à 5. Les Sagittaires et les Taureaux, vous avez zéro aujourd'hui, mais c'est de votre faute. Vous vous compliquez la vie pour rien. Vous rendez les choses simples, compliquées. Arrêtez de vous prendre la tête et vous verrez, la journée sera bien meilleure. Sagittaire et Taureau, petits conseils de Skyrock pour passer une belle journée. Verseau, Vierge, vous avez 1 sur 5. Si vous avez quelque chose à dire et vous avez quelque chose à dire à quelqu'un aujourd'hui, dites-le, mais utilisez les bons mots, soyez diplomate, soyez pas trop cash. 2 sur 5, les Scorpions et les Poissons, vous êtes en mode blagueur-dragueur, blagueuse-dragueur, dragueuse. Vous vous éclatez, ça vous fait rigoler. Mais au lieu de séduire, ça peut faire fuir. Attention, faites gaffe, les Scorpions et les Poissons. 3 sur 5, les Béliers et les Lions, célibataires, vous aurez des occasions aujourd'hui à pas louper. Et si vous êtes en couple, tout se passera super bien avec votre chérie. 4 sur 5, les beaux Capricornes. Mais comme toi, dit Foul. En effet, Romano, tu fais bien de m'interrompre pour le signaler. Mais de rien. Et les Balances aussi. Vous êtes un peu comme des piles électriques, bien pratique pour la balance électrique. Ouais. Vous êtes un peu des piles électriques, ça veut dire que vous avez la pêche, vous êtes spontané, imprévisible. Vous allez surprendre les autres et positivement, les Capricornes et les Balances, une super journée pour vous, 4 sur 5. Et la meilleure journée, elle est pour les Cancers et les Gémeaux. Cancer Gémeaux, 5 sur 5. Forte complicité avec tous les gens que vous aimez, vos amours, vos amis vont se porter à merveille aujourd'hui. Profitez bien, Cancer Gémeaux, 5 sur 5, c'est vous les meilleurs. Et dans un instant, attention, Michael Youn arrive avec ses fumigènes sur Skyrock. Attention, oui. Préparez-vous, c'est le réveil de Star. C'est le morning de Difool. The morning show. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too now. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house, come on. Welcome to my house. Welcome to my duck off the crib, the spot, the pad. But my house is your house if you throwing it back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow hit the brakes, down. Hit the brakes, we don't have to go. Cheers to this. Welcome to my house. My house. 8h56 sur Skyrock. Avec un petit peu de retard, c'est l'heure de réveil, du réveil de star. La star du jour, elle est là. Vous le savez, tous les matins à 6h10, 7h50 et 8h50, une star réveille les familles. Le voici, le voilà. Allô, allô. Allô. Oui, allô. Mais tu sais qui je suis, papa? Mais oui, je t'ai reconnu. Tu es Michael Youn. Je suis Fatal Bazooka, moi. Non, non, non, non, non, non, non. Oui, quand... pas Fatal Bazooka, alias Michael Youn. Quand tu parles comme ça, t'es Fatal Bazooka, oui. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il imite les rappeurs. C'est Fatal Bazooka, Michael Youn, qui s'est pointé. On en parlait hier, on en a encore parlé ce matin. Avec un fumigène au Stade de France. Voilà. Ah bah je crois que c'était la dernière fois où il y allait. Je crois qu'il n'ira pas à l'Euro, Michael. Michael, non. Tu as loupé l'Euro. Dommage. L'Euro 2016, je crois que ce sera pas pour toi. Ah bah il risque d'être interdit de stade. Eh ouais, je suis désolé, Michael. Désolé, désolé, désolé. Je lui niquer sa race, salaud de tartine. Oui, oula. Non mais c'est la police là, faut pas leur niquer leur race. Tu n'as pas le droit de rentrer avec un fumigène. Alors ce matin, on s'est dit, tiens, avec cette histoire du fumigène, on va retrouver Michael Youn. Donc déguisé, si j'ai bien compris, en Fatal Bazooka. Ouais, Michael Youn en mode rappeur, c'est ça. Et on va voir ce que ça donne. C'est l'heure du réveil de star. Et qui va se faire réveiller ce matin, c'est Xavier. le réveil de Star. Une star, une star, un appel, on écoute. Alors, qu'est-ce que ça a donné avec Xavier ? C'est un petit coup de fil de Fatal Bazooka, Michael Youn. Allô ? Allô ? Vous êtes qui ? Je suis Fatal Bazooka, moi. Non, mais foutez pas de ma gueule, là, des fois. Oh, wow, wow, wow, wow. Eh, la gazelle ! J'ai le fusil chargé, ça te dirait une petite cartouche ? Espèce de gros connard. Oh, dis donc. Allô ? Allô ? Oui ? Mais tu sais qui je suis, papa ? Non. Je suis Fatal Bazooka, moi. Bah ouais, puis c'est qui, Fatal Bazooka ? Mon nom d'artiste de Fatal Bazooka. Et puis, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Ça va pas, bonhomme ? Ah, ça va pas du tout. T'as bu un verre de trop ? Ouais. Tu vas aller te passer de l'eau sur le visage, peut-être ? Ah, non. Bon. Je crois pas qu'il faudrait qu'on s'explique, peut-être. Eh ben, viens, alors, si tu veux qu'on s'explique. Comment il s'intitule, le Pikachu ? Et ça peut te faire. T'en as une grande gueule. Puis toi, alors ? Moi, je suis le numéro 1, ok ? Ouais, ben, moi, je suis le numéro 2. Non. Toi, t'es à